Heute geht es weiter mit unserer Botschaft. On va continuer avec notre message aujourd'hui. Amen. Understanding the kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels verstehen. Comprendre le royaume des cieux. It's not understanding Christianity. Nicht das Christentum verstehen. Il s'agit pas de comprendre le christianisme. But understanding the kingdom of heaven. Aber das Königreich des Himmels verstehen. Mais comprendre le royaume des cieux. There is a difference between the kingdom of heaven and Christianity. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Königreich des Himmels und dem Christentum. Il y a une différence entre le royaume des cieux et la religion et le christianisme. Amen. Jesus did not come for Christianity. Jesus ist nicht für das Christentum gekommen. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous apporter le christianisme. Amen. He came for the kingdom of heaven. Er kam für das Königreich des Himmels. Il est venu pour le royaume des cieux. He said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." In Luke 4, verse 17. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Königreich des Himmels ist nah. In Lukas. Luke 4, 17. 4, 17. Dans Luc 4, 17, Jésus-Christ a dit, repentez-vous parce que le royaume des cieux est prêt. He did not say, "Repent, for Christianity is at hand." Er hat nicht gesagt, tut Buße, weil das Christentum nah ist. Il a pas dit, repentez-vous parce que le parce que la religion, parce que le christianisme est prêt. Amen. Amen. On that day, God is not going to ask you, what did you do? Are you a Christian, Muslim or pagan? He's not going to ask you that. Mm. Wenn du irgendwann vor Jesus stehst, wird er dich nicht fragen, bist du Christ, Buddhist oder jüdisch oder muslimisch. Mm. Er wird dich fragen, was hast du mit Jesus Christus getan? Was hast du mit mir getan? Au jour du jugement, Jésus-Christ ne va pas te demander si tu es musulman, un païen ou chrétien, il va te demander qu'est-ce que tu as fait de moi dans ta vie. Jesus Christ was not a Christian. Denn Jesus Christus war kein Christ. Parce que Jésus Christ, par exemple, n'était pas un chrétien. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ah. He left all for you and me. Er hat alles verlassen für dich und mich. Il a tout quitté pour toi et moi. Amen. To accept His father's will. Um den Willen seines Vaters zu akzeptieren, seinen Willen für uns zu akzeptieren. Il a accepté la volonté du Père pour toi et moi. And so let us choose him and give all to him. Deswegen lasst uns ihn wählen und ihn alles übergeben. C'est la raison pour laquelle on doit choisir et tout se mettre à lui. We stop here on Wednesday. Let us go back to Matthäus 26, da waren wir am Mittwoch. Matthäus 26. From verse 36 to 39. 36 bis 39. De 36 à 39. Praise the Lord. Hallelujah. He said, then come Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto his disciples, sit ye here while I go and pray yonder. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 37, and he took with 37. Him Peter and the two sons of Zebedee and began to be sorrowful and very heavy. Verse 38. 40. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here, and watch with me. 39. And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here he said that his heart was heavy and sorrowful. Hier steht, dass sein Herz schwer war und traurig. Verset 38 nous dit qu'il était triste et angoissé. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And there's a place also that said, even you know, the drop of the sweat that was coming out from his body was like a drop of blood, like was as thick as blood. Und die Bibel sagt sogar, er hat Blut geschwitzt. Es war, also er hat wirklich Blut geschwitzt, weil wenn jemand wirklich nervös ist und panisch ist, kann man anfangen, Blut zu schwitzen sogar. Et la Bible nous dit aussi qu'il, que sa sueur était c'était une sueur de sang parce qu'il était si angoissé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He depend on his father. Er hat sich auf seinen Vater verlassen. Mais il a fait confiance à son père. Il dépendait de son père. Just like he want us to depend on him. Genauso wie er will, dass wir uns auf ihn verlassen. Et c'est ça qu'il veut pour nous aujourd'hui, qu'on dépend de Jésus-Christ, qu'on dépend de lui aujourd'hui. In John 20, he said, as my father sent me, so I sent you. Johannes 20 hat er gesagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jean 20, dans Jean 20, la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit que comme mon père m'a envoyé, je vous envoie aujourd'hui. There are only two wills on earth. Es gibt nur zwei Willen auf Erden, Johannes 20. Il y a seulement deux volontés ici sur terre aujourd'hui. Amen. Only two wills on earth. Two wills. Nur zwei Willen auf Erden. Seulement deux volontés sur terre. The will of Christ and the will of Satan. Der Wille von Christus und der Wille des Satans. La volonté de Jésus-Christ et la volonté du diable. Christ has his own will for you. Christus hat seinen eigenen Willen für dich. Jésus-Christ a sa volonté pour toi. So also Satan have his own will for you. Genauso hat der Satan seinen Willen für dich. Tout comme le diable a aussi une volonté pour toi. If you say no to Christ's will for you, it's automatic Satan's will. Wenn du Nein sagst zum Willen von Jesus, hast du automatisch Ja gesagt zum Willen des Satans. Et si tu dis non à la volonté de Jésus-Christ pour ta vie, tu dis automatiquement oui à celle du diable. In John 20:21. Johannes 20, Vers 21. Dans Jean 20, verset 21. He said, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Mm. I said, look unto my Father, so also you look unto me. Wie, so wie ich auf meinen Vater schaue, so sollt ihr auf mich schauen. Comme moi j'ai le mon regard vers mon Père, vous devez avoir vos regards vers moi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know, in most cases, if we are, you know, choosing His will, accepting His will, our heart is so heavy. Wenn wir seinen Willen akzeptieren und seinen Willen wählen, wird unser Herz so schwer dabei. On a des difficultés à accepter sa vérité et sa volonté pour nos vies. Amen. Amen. That is, you know, because if we see ourselves, we will be heavy in heart, we will be sorrowful. Und das passiert, sobald wir uns selbst sehen, dann werden wir traurig. Mm-hmm. Et la raison pour laquelle on a des problèmes, des difficultés à accepter sa volonté, on est même triste, c'est parce qu'on voit, on se voit nous-mêmes, on voit notre chair. But if we see Him, if we see Christ, it will be so easy. Wenn wir aber Jesus sehen, wird es einfach sein. Mais si on a nos regards vers Jésus-Christ et pas sur nous, ça sera facile. Amen. Amen. It is when we see Him that we can submit everything to Him so easy. Wenn wir ihn sehen, dann wird es uns einfach fallen, ihm alles zu übergeben. Mm-hmm. Si on a nos regards vers Jésus-Christ, on n'aura pas de problème de soumettre tout à Jésus-Christ. You know how you see Him. Wisst ihr, wie man ihn sieht? Vous savez comment avoir son regard vers Jésus-Christ. He left heaven. And he came here. He left everything. The Bible said he was rich. He became poor so that you and me will be rich. Jesus hat den Himmel verlassen. Er hat sein Zuhause verlassen. He left heaven. Er hat diesen Reichtum verlassen, damit wir, die wir vorher arm waren, reich werden. Und er ist für uns arm geworden. Il a quitté sa maison, il a quitté le royaume des cieux. Il a laissé sa richesse derrière lui, il est devenu pauvre afin que nous qui étions pauvres deviennent riches. He left things. You know what he left? They are more than what you are leaving. What you will ever leave for him. Was er verlassen hat, ist umso ein vielfältiges, größer als das, was wir jemals verlassen könnten. Et tout ce qu'il a quitté n'est même pas comparable à ce que nous on doit quitter afin de le suivre. And that's why if we can see him, if we can remember what he left, we will be able to leave everything for him. Deswegen, wenn wir daran denken können, was er alles für uns verlassen hat, dann wird es uns einfach fallen, alles für ihn zu verlassen. Et si on voit Jésus-Christ et on voit tout ce qu'il a quitté pour nous, ça va être plus facile pour nous de laisser l'ancienne personne, laisser le monde derrière nous. You will even rejoice in submitting everything to him. Du wirst sogar freuen dabei, alles zu verlassen. Tu vas même être joyeux quand tu vas tout laisser derrière toi. And that's why I remember in persecution, he said you are to rejoice. Amen. Deswegen sagt er, in der Verfolgung sollen wir uns freuen. C'est pour ça que c'est Matthew la raison 5. Pour laquelle il nous dit dans Matthieu 5 if qu'on doit go se réjouir même en persécution. Matthieu 5. Ten and 11. 10 and 11. Oh, that's cool. Then 12 also. It's a blessed day which are persecuted for righteousness' sake. If you remember that persecution is a blessing, you will rejoice. Wenn du dich daran erinnerst, dass Verfolgung ein Segen ist, dann wirst du dich freuen. Are you getting it? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc on peut voir ici que être persécuté est même une bénédiction. He said, for heaven belongs to you. For theirs is the kingdom of heaven. Are you getting it? Der Himmel gehört dir sozusagen. Das Reich des Himmels gehört dir damit. Parce que si tu es persécuté, le royaume des cieux est à toi. Look at verse 11. Verset 11. Blessed are you when men shall revile you. And persecute you, and shall call you all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice. He did not say be sad. If you can remember, if you can know what he went through for you, you will rejoice. Wenn du weißt, was für dich durchgemacht hat, dann wirst du dich freuen, wenn sie diese Dinge dir antun. Si tu es capable de voir tout ce que Jésus-Christ a subi pour toi, tu seras heureux, tu vas te réjouir même sous la persécution. We rejoice that he is our reward. Wir freuen uns, dass unsere Belohnung ist. On se réjouit parce que Jésus-Christ est notre récompense. Amen. Verse 12. Verset 12. He said, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. He is your reward. Est deine Belohnung. Il est ta récompense. He said, for so persecuted the prophet which were before you. You are not different. Du bist nicht anders als sie. On n'est pas différent des prophètes. Amen. Amen. If you choose him, they will fight you. Wenn du dich für Jesus entscheidest, werden sie dich bekämpfen. Parce que si tu choisis Jésus-Christ, le monde va te combattre. Praise the Lord. Hallelujah. He loves a cheerful giver. Er liebt einen herzlichen Geber. Il aime les herzlichen Geber. A cheerful giver. Quelqu'un qui donne avec bon cœur. Une personne qui donne avec bon cœur. Ouais. Amen. Somebody who give joyfully. Jemand, der fröhlich. Amen. That you are not sad to be there for Christ Jesus. Der nicht traurig ist. You are not sad to give him everything. Für Christus da. Your life, everything. Donc une personne qui se réjouit quand elle partage, elle donne tout à Jésus-Christ, elle soumet tout à Jésus-Christ. C'est ça qu'il aime bien. Praise the Lord. Alléluia. In Isaiah 53, said he forsook. God forsook him so that you will not be forsaken. In Jesaja 53 steht, dass Gott ihn verweigert hat, damit du nicht verweigert wirst. Dans Isaïe 53, go to Matthew 27, tu nous dis que il a rejeté cette personne afin que toi tu ne sois pas rejeté. Matthew 27:46. Matthieu 27, 46. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. 46. Matthieu 27, 46. 27, verse 46. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the answer is in Psalm 22, verse Verse 3 especially. Let's go there, Psalm 22. Die Antwort ist in Psalm 22. Why did you forsake me? Weshalb? He's asking his father. Jesus fragt, weshalb hast du mich verlassen, Vater? Dans Psaume 22, on va voir la réponse à la question de Jésus-Christ, enfin la question que Jésus-Christ a posée dans Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette réponse, on la voit dans Psaume 22. It was not Satan that punished Jesus. Es war nicht der Satan, der Jesus bestraft hat, sondern es war Gott selbst, sein Psalm Vater. Psalm 22. Et c'était pas le diable qui a puni Jésus-Christ, mais c'était son père lui-même. Amen. Amen. Satan has nothing to do with Christ Jesus. Satan hat nichts mit Jesus Christus zu tun. It was God that punished him. Es war Gott, der ihn bestraft hat. C'était Dieu qui a puni Jésus-Christ. So that you le diable avait rien à voir avec. Afin que toi et moi ne sommes pas punis. Damit du und ich nicht bestraft werden. Mm. But you know, Psalm 22, verse 1 to 3. I quickly read. Psalm 22. My God, why hast thou forsaken me? Psalm 22, verset 1 à 3. Why art thou so far from helping me? And from the words of my roaring? Verse 2. Oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not. And in the night season, and I'm not silent. Verse 3. That's the answer. Verset 3. In der deutschen Version ist es versetzt. Jetzt sind wir bei Vers 4 in der deutschen Version. In der englischen Version auf Vers 3. The answer. Why? The reason why God forsook him. Der Grund, weshalb Gott ihn verweigert hat. La raison pour laquelle Dieu l'a rejeté, pardon. You see it. But thou art holy. For thou that inhabit the praises of Israel, because God is holy, er wurde he hates sin. Verweigert von Jesus Gott. Became sin, and he was, you know, God forsook him. Jesus wurde zur Sünde und deswegen musste Gott ihn verweigern, weil Gott heilig ist. Dieu est saint et comme Jésus-Christ est devenu le péché a pris tous les péchés du monde sur lui, donc est devenu le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû rejeter Jésus-Christ, parce que, encore une fois, Dieu est saint. Remember, before he died, he dealt with Satan. Bevor er gestorben ist, hatte er sich mit dem Teufel angelegt. That's Jesus Christ. Before he left here, before he died, before he was crucified, he dealt with Satan. Let us go. Avant d'être crucifié, Jésus-Christ a eu affaire au diable. Go to Colossians. Colossians 3. Colossiens 3. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Colossians 3. Amen. Amen. Amen. When he died, then look at from verse 14. Let's read from verse 14. Colossians 3, verse 14. Colossians 3, verse 14. It said, blotting out the handwriting of ordinances that was contrary against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the to his cross. Verse 15. Having spoiled principalities and powers. It's talking about Satan. Verse 15. Are we there, please? Colossians 2:14. Also 2. Sorry, 2. Colossians 2, pardon. Sorry. No problem. 15. Verse 14. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2:14 nochmal. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Verse 15. 15. 15. And having spoiled principalities and powers. It's talking about Satan. Er spricht hier über den Satan, Herrschaft und Gewalten. Et là, quand, là on voit qu'il parle du diable, quand il parle des autorités. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Amen. Amen. You know, the 3 days he went to Satan, he took the keys away from him. In diesen 3 Tagen ist er zum Satan gegangen und hat dort die Schlüssel genommen, hat sozusagen diese Kraft und Autorität, die der Satan uns im Garten weggenommen hat, hat er wieder zurückgeholt. Et pendant les 3 jours avant sa résurrection, Jésus-Christ a récupéré récupéré l'autorité qu'on avait perdue après la chute de l'homme. The power that Adam gave to him. Die Kraft, die Adam dem Satan übergeben hat. Il a récupéré la puissance que Adam avait donnée au diable. He went there and took everything back from Satan. Jesus ist dahin gegangen und hat das wieder dem Satan weggenommen. Et Jésus-Christ est parti et a tout arraché du diable, a tout récupéré du diable. He said he made a show of them openly, triumphing over them in it. Er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt und triumphiert über sie. He's spoiled them. Entwaffnet. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, il a fait ça publiquement. And this will help you to know that Satan has been defeated. Das hilft uns auch zu erkennen, dass der Satan besiegt worden ist. Et ça aussi, ça va t'aider à comprendre. But his lies are still everywhere. Aber seine Lügen sind immer noch überall. Ça va t'aider à comprendre que le diable a été défi. Que le diable a perdu, mais que ses mensonges sont encore partout sur terre. And this also will help you to know that it was not Satan that dealt with Jesus Christ when he died. Das hilft uns auch zu erkennen, dass es war nicht der Isaiah 53. Satan, der Jesus angegriffen hat, als er gestorben, als Jesus gekreuzigt worden ist. Ça aussi, ça va t'aider à voir que c'est pas le diable qui a puni Jésus-Christ, mais c'est plutôt le Jésus-Christ qui a triomphé pour nous. Isaiah 53, verse 10 and 11. Isaiah 53, 10 und 11. Esaïe 53, versets 10 et 11. Amen. Amen. Are we there, please? Isaiah 53. He said, yet it pleased the Lord to bruise Christ Jesus. Aber es gefiel dem Herrn, Jesus Christus zu zerschlagen. Esaïe 53, verset 10. Verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering of sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Verse 11. Verset 11. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Praise the Lord. Amen, amen. He was punished so that we will not be punished. Er wurde bestraft, damit wir nicht mehr bestraft werden. Il a été puni afin que nous afin que nous puissions pas être punis. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. If you still remember Wednesday's message. Wenn ihr euch noch an die Botschaft von Mittwoch erinnern könnt. Si vous rappelez du message du mercredi. Which was also preparing our heart before time. Die unser Herz vorbereitet hat. Qui a aussi préparé nos cœurs. Amen. Amen. You prepare. How do you prepare your heart? Wie bereitest du dein Herz vor? Comment tu prépares before anything. Prépare ton cœur. You prepare your heart to see Christ. Du bereitest dein Herz vor, darauf Christus zu sehen. Mm. Amen. Donc tu dois préparer ton cœur à voir Jésus-Christ. Mm. Amen. Mm. If we prepare our heart before things, to know that it is all about Him, we will rejoice in all things. Wenn wir unser Herz vorbereiten würden, nämlich in allem Christus zu sehen, dann würden wir uns auch in allem freuen, egal was passiert. Mm. Si nos cœurs sont toujours prêts à voir seulement Jésus-Christ, peu importe les circonstances, on va toujours être heureux, on sera. Ouais. Amen. Amen. If we prepare our heart before things, we will not be sad of any action or reaction of the people. Wenn wir unser Herz vorher vorbereiten würden, dann würden uns die Reaktion oder Aktion der Leute nicht verletzen und nicht traurig machen. Si nos cœurs sont toujours prêts à voir seulement Jésus-Christ, les actions de nos prochains ou alors les circonstances qu'on subit vont jamais nous attrister. Galatians say we live in the spirit, we walk in the spirit. Galates steht, dass wir im Geist leben und im Geist wandeln. Dans Galates, il est écrit qu'on vit dans l'esprit et qu'on marche dans l'esprit. Amen. Amen. Romans says the just shall live in the spirit. The just shall live by faith. Dass die Gerechten durch Glauben leben sollen. Et dans Romains, il est écrit que les justes doivent vivre dans la foi. You live there and not visit. Wir leben dort und besuchen diesen Ort nicht. Donc tu dois vivre dans la foi et pas seulement la visiter. You only visit the natural world. Wir besuchen but you live in the spiritual world. Nur die natürliche Welt, aber wir leben in der geistlichen Welt. On vit dans l'esprit et on visite seulement le monde naturel. Galates 5. Galates 5. Verset 25. I will there, please. Look at it. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Then in verse 24, it said, and they that are Christ's have crucified the flesh with the affection and lust. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We live in the spiritual world. Wir leben in der geistlichen Welt, die geistliche Welt von Christus. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Amen. You cannot say no to Satan without Christ Jesus. Du kannst nicht Nein zum Satan sagen ohne Jesus Christus. C'est impossible de dire non au diable sans avoir Jésus-Christ. Amen. Jesus himself said it. In Matthew 12. Go to Matthew 12. Look at what he said here. He said, you cannot say no to Satan without him. Jesus sagt ganz klar, du kannst nicht Nein sagen zum Satan. Du kannst den Satan nicht verweigern ohne ihn, ohne Jesus. Jésus-Christ nous dit que tu peux pas rejeter le diable sans Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthieu 12, verse 29. Matthieu 12, verset 29. He said, or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house? I don't know if you are getting it. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. The strong man he's talking about is Satan. Der starke Mann, von dem er hier spricht, ist der Satan. L'homme fort dont Jésus-Christ parle est le diable. Amen. Mm. You know, the Bible never say underrate Satan. Die Bibel sagt niemals, unterschätze den Satan. La Bible nous dit jamais de sous-estimer le diable. Amen. Though he has been defeated, but his lies are everywhere, especially in churches. Er wurde besiegt, aber dennoch sind seine Lügen überall, besonders in Gemeinden. Il a été défié, mais ses mensonges sont toujours partout dans le monde, surtout dans les églises. The only person that can bind the strong man is Christ Jesus. Die einzige Person, die den Starken binden kann, ist nur die Person, die stärker ist als der Starke, und das ist Jesus Christus. Et la seule personne qui peut lier cet homme fort, qui est le diable, c'est Jésus-Christ lui-même. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. No one can say yes or no to Satan without Christ Jesus. Niemand kann den Satan verweigern ohne Jesus Christus. Encore une fois, personne ne peut rejeter le diable sans Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, you can say no to Satan in the flesh here, but the other side. Amen. Du kannst im Fleisch Nein sagen zum Satan, aber die geistliche Welt ist immer noch da und immer noch größer als das physische. Peut-être ta chair peut dire non au diable, mais il y a toujours quelqu'un qui doit le rejeter dans au niveau spirituel. Praise the Lord. Alléluia. Matthew 5, please. Matthieu 5. The Bible helps us to understand how to say yes and no to Satan. Die Bibel hilft uns zu verstehen, wie wir Ja und Nein sagen zum Satan. La Bible nous aide à comprendre comment dire oui ou non au diable. Matthew 5:25-26. Matthäus 5:25-26. Can you help us to read that? Matthieu 5, versets 25 et 26. Sei dein Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Praise the Lord. Hallelujah. I agree with your adversary quickly, while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He is talking about saying yes to Satan. Hier geht's darum, ja zum Satan zu sagen. Say yes to Satan, that without Christ you are nothing. In dieser Situation musst du Ja sagen zum Satan, weil du musst vor ihm zugeben, dass du ohne Jesus nichts bist. Donc ici il s'agit de dire oui au diable, parce que tu dois avouer à toi-même aussi que tu es rien sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Say yes to Satan. Amen. That yes. You know, just as I said, I'm nothing without Christ Jesus. I'm saying yes to Satan. I'm nothing without Christ Jesus. But don't come to me because I have Christ Jesus. Und wir sagen ganz klar ja zu dem Satan. Ja, wir sind eben nichts ohne Jesus Christus, aber wir sind nicht ohne Jesus Christus und deswegen können wir ihn ja auch verweigern. Donc comme tout à l'heure, je vous ai dit que je suis rien sans Jésus-Christ. C'est comme ça que le diable va être conscient qui est son adversaire, parce que si tu es rien sans Jésus-Christ, ça veut dire que tu as Jésus-Christ. He said you are to submit to Satan and say yes. Without Christ, I'm nothing. But I'm not without Christ. Amen. Du musst vor dem Satan eingestehen, dass du ohne Jesus nichts bist und nur Fleisch und Blut bist und deswegen eine Beute bist für ihn. Aber weil du Jesus Christus hast, stehst du sogar über ihn und er ist unter deinen Füßen wegen Jesus Christus. Donc devant le diable, tu peux vraiment dire oui, tu peux accepter le fait, admettre le fait que tu n'es rien sans Jésus-Christ, mais que tu es toujours avec Jésus-Christ. Amen. If you are saying your degree, what you know, whatever is outside there, the system of this world, you know what, you know your beauty, your job, your talent, if they are your source, if they are your power. You are saying to Satan, Jesus is not my strength. These things are my strength. You are saying no to Satan. That in the flesh you can defeat Satan. No one can defeat Satan in the flesh. Und wenn du aber sagst, dass du etwas bist ohne Jesus, weil du eben Schönheit, Talent, Intelligenz, Herkunft und alle anderen Sachen hast, du dich auf einer dieser Sachen stützt und das dein Gott ist und du deswegen dem Satan meinst, die Stirn zu bieten, bist du ein Lügner, weil das Geistliche steht über dem Fleischlichen und er wird dich besiegen und zerstören mit dieser Sache, die du vergötterst. Donc, et si tu n'admets pas devant le diable que tu es rien sans Jésus-Christ et tu te ta confiance à tes propres capacités. Donc, par exemple, si tu es vraiment fier de ta beauté ou alors de tes diplômes ou quoi que ce soit, c'est là que le diable peut t'attaquer parce que aucune chose charnelle est plus puissante qu'une chose spirituelle. The only person that defeated Satan is Christ Jesus. Der einzige, der den no Satan education can defeat Satan. Besiegt hat, ist Jesus Christus. Keine Bildung kann den Satan bezwingen. La seule personne qui a combattu et qui a gagné contre le diable, c'est Jésus-Christ lui-même. Aucune éducation, aucune beauté peut combattre le diable ou même gagner contre le diable. Amen. No money can defeat Satan. Keine Menge an Geld kann den Satan beeindrucken oder bezwingen. Besiegen. Okay, donc défaite est ni la lague. Donc, aucun diplôme peut vaincre contre le diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Submit to Satan. Say yes to Satan. Without Christ, I'm nothing. Sag ja zum Satan, dass ohne Christus bin ich nichts. Dis oui au diable. Dis oui que je suis rien sans Jésus-Christ. I need him to be somebody. Ich brauche ihn, um jemand zu sein. J'ai besoin de Jésus-Christ pour être quelqu'un. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And the Bible also helps us to know how to say no to Satan. We just mentioned that of yes. Now, how to say no to Satan. Und jetzt, wie wir Nein sagen. To James 4, please. Jetzt, wie wir Nein sagen zum Satan. James 4. Dans Jacques 4, on va voir comment dire non au diable maintenant. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 7. Jacques 4, verset 7. Praise the Lord. Hallelujah. He says, submit yourself, therefore, to God. Submit to Christ. That is how you resist. That is how you say no to Satan. Übergebe dich Christus, so sagen wir Nein zum Satan. Si tu te soumets à Jésus-Christ, c'est comme ça que tu dis, que tu rejettes le diable, que tu dis non au diable. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. How to say no to Satan? It is by submitting yourself to Christ. To believe Christ. Indem wir uns Christus hingeben, indem wir Christus glauben. Donc si tu crois en Jésus-Christ, si tu te soumets à Jésus-Christ, c'est là que tu dis non au diable, que tu rejettes le diable. You believe the finished work of Christ. Wir glauben an das fertige Werk von Christus. On croit, on a foi à l'accomplissement de Jésus-Christ. Amen. Amen. And that is how you are going to resist the flesh. Und so werden wir dem Fleisch widerstehen. That is how to resist the flesh. Indem wir so werden wir dem Fleisch widerstehen, indem wir uns Christus hingeben. Donc si tu te soumets à Jésus-Christ, c'est comme ça que tu vas rejeter la chair. You are going to keep on resisting the flesh until you are until the coming of Christ. Und wir werden das Fleisch verweigern bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt, dein ganzes Leben lang. That's why it is called renewing of the mind. dein ganzes Leben lang hier auf der Erde. Deswegen ist es eine Gedankenerneuerung, ein stetiges Gedankenerneuerung. C'est la raison pour laquelle on doit chaque jour renouveler nos pensées jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. It means you are going to learn to always submit to Christ. Submit yourself to God. You see there, verse 7. That is how you resist the devil. That's how to fight Satan. So verweigern wir den Satan. C'est comme ça qu'on rejette le diable. That's how to fight his lies. So bekämpfen wir seine Lügen. C'est comme ça qu'on peut combattre ses mensonges. Amen. Amen. His lies will say you are sick. Seine But Christ Lügen said that you are already healed. Du bist Amen. Krank, aber Christus sagt, du bist schon geheilt, du bist gesund. Ces mensonges vont dire que tu es malade, mais Jésus-Christ te dit que tu es déjà guéri. His lies will say you are poor. Seine But Christ will sagen, tell you, Christ is saying, I became poor so that you are rich. Du bist arm, aber Jesus wird sagen, ich wurde arm, damit du reich bist. Le mensonge de ce monde, les mensonges du diable vont dire que tu es pauvre, mais Jésus-Christ va dire qu'il est devenu pauvre afin que tu deviennes riche, afin Amen. Que tu sois riche. Praise the Lord. Alleluia. You are to know Christ. Wir müssen Christus kennen. Tu dois connaître Jésus-Christ. And you are to also know Satan. Wir müssen auch den Satan kennen. Tout comme tu dois aussi connaître le diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Satan knows you. Satan kennt dich. Le diable te connaît. You know, Papa really wrote this to me. He said, Jesus I know, Paul I know. Yes, that's where I'm going now. Amen. In Act of Apostle. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. You know, Satan said, Jesus I know, Paul I know. Who are you? Jesus hat, also der Satan hat gesagt, Jesus kenne ich und Paulus kenne ich, aber wer bist du? Er hat nur diese zwei Leute genannt. Einmal Jesus und die Person, die Jesus hat und die in Jesus ist, kennt er, aber jeden anderen kennt er eben nicht. Dans Actes des Apôtres, le diable a dit qu'il connaît Jésus-Christ, qu'il connaît Paul, mais qui es-tu? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Acts 19. Apostelgeschichte 19. Actes des Apôtres 19. Praise the Lord. Hallelujah. Satan knows you. Der Satan kennt dich. He knows that you belong to him. Er weiß, dass du zu ihm gehörst. Il sait que tu l'appartiens. He knows that your body is his own vessel. Er weiß, dass dein Körper sein Gefäß ist. Il sait qu'il peut travailler à travers ton corps. Amen. Amen. He knows he can live and live through you at any time. Er weiß, dass er in dir und durch dich hindurch leben kann, wie er lustig ist. Il sait qu'il peut vivre en toi et à travers toi. He knows that your body is his own property. Er weiß, dass dein Körper sein Besitz ist. Il sait que ton corps l'appartient. If you are not born again, you better be born again. Wenn du nicht wiedergeboren bist, werde wiedergeboren. Donc, et si t'es pas né de nouveau, il est vraiment temps. If not, the devil is your father. Ist der Satan dein Vater? Sinon, le diable est ton père. Are you getting it? If your mind is not renewed, you better learn to renew your mind. Wenn deine Gedanken If nicht not, erneuert your sind, body is a vessel for Satan. Though you are born again. Ist dein Körper ein Gefäß des Satans, obwohl du sogar wiedergeboren bist? Et tu dois aussi apprendre à renouveler tes pensées, parce que si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu vas, ton corps va toujours être vulnérable pour le diable, parce que tes pensées ne sont pas renouvelées. Because of time, look at verse 15. Même si tu es né de nouveau. Of Acts 19. Apostelgeschichte 19, Vers 15. Actes des Apôtres 19, verset 15. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, Paul I know, but who are you? Praise the Lord. You are nobody to tell me what to command me. I command you. That's what Satan is saying. Du bist niemand, der mir Befehle geben kann. Ich gebe dir Befehle. Und das hat er hier getan. Et ici, le diable, enfin l'esprit malin, a répondu, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Donc ça veut dire que le Amen. Diable connaît bien cet adversaire et il sait que tu peux rien faire sans Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. You know, you don't need to know people. Du musst Leute nicht kennen. T'as pas besoin de connaître les gens. Just know Christ and not Satan. Kenne Christus und kenne den Satan. Tu dois seulement connaître Jésus-Christ et le diable. Then you will know people. Dann ist alles glasklar, dann wirst du Leute erkennen. Et automatiquement, tu vas connaître les gens. Amen. And how to know Satan? It's not by looking for Satan. Look for Jesus, you will know Satan. Amen. Und den Satan zu erkennen, tust du nicht, indem du den Satan überall suchst, sondern indem du Jesus Christus erkennst. Das Licht, so wird die Finsternis sich entblößen. Et comment connaître le diable? C'est pas par en le cherchant, mais plutôt en avoir. Si tu as une relation avec Jésus-Christ, tu vas automatiquement connaître Jésus-Christ et automatiquement savoir qui n'est pas Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. How to know Satan? You don't look for Satan. Just concentrate on Jesus. Mm-hmm. Once you know Jesus, you really know him. Automatically, you will know Satan. Amen. Wenn du den Herrn kennst, Jesus Christus kennst, dann wirst du den Satan direkt erkennen. Mm-hmm. Parce que si tu connais vraiment ton Père, si tu connais vraiment Jésus-Christ, tu vas automatiquement reconnaître le diable. You know why? Because they are opposites. Weil sie Gegensätze sind. Ouais, tu vas reconnaître le diable parce qu'il est complètement à l'opposé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jesus said, love your enemy. Satan said, hate your enemy. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Once you know Christ, you automatically know Satan. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Der Satan sagt, hasse deine Feinde. Ganz klar, wenn wir Jesus kennen, wenn wir den Satan kennen. Par exemple, le diable dit que tu dois détester tes ennemis, mais Jésus-Christ dit que tu dois aimer tes ennemis. Donc, ce sont des choses qui sont complètement à l'opposé. Et c'est la même chose avec tout qui concerne ces deux puissances dans ce monde. It is like, you know, counterfeit. The original money, the good money, and then the counterfeit. You don't need to look for counterfeit to know them. Just study the original. Know it. Feel, you know, how it is, how it sounds. Just know everything about it. Immediately the any counterfeit come, you already know. Mm-hmm. If you are looking for a counterfeit to know, there are so many that you cannot even know them. Mm-hmm. Ist genauso wie dieses Falschgeld-Beispiel, was ich immer wieder nenne, dass um Falschgeld-Detektiv zu sein sozusagen, musst du nicht alle Arten von Falschgeld kennen und auswendig lernen, sondern du musst einfach nur dich auf diesen richtigen Schein spezialisieren, ihn in- und auswendig kennen. Und dann wird jeder Falschgeld, dann wird jeder falsche Schein für dich direkt durchschaubar sein. Mm-hmm. C'est la même chose avec l'exemple que je vous donne avec le faux billet. Pour reconnaître un faux billet, tu n'as pas besoin d'étudier tous les faux billets qui existent. Tu dois seulement te concentrer sur le vrai billet. Et si tu connais ce vrai billet par cœur, tu vas automatiquement reconnaître un faux billet. Amen. Amen. And so I know Satan because I know Christ. Ich kenne den Satan, weil ich Christus kenne. Et c'est la raison pour laquelle je connais le diable. Je reconnais le diable parce que je connais Jésus-Christ. Amen. Amen. You don't need to be convinced before coming to Christ. Du brauchst nicht überzeugt zu sein, bevor du zu Christus kommst. Tu n'as pas besoin d'être convaincu avant de venir vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. But you know you are God. You know, sorry, you know there is God. Ah, du weißt, dass es einen Gott gibt. Mais tu sais qu'il y a un Dieu. And this God is not you. Und dieser Gott bist nicht du. Et que ce Dieu n'est pas toi. And you have to have a relationship with him. Et du musst eine Beziehung haben mit diesem Gott. Et tu dois avoir une relation avec ce Dieu. Amen. Amen. Amen. He left a hole in everyone's heart that he himself alone can occupy. Amen. Er hat ein Loch in Herzen der Menschen geschaffen, was nur er vollkommen erfüllen kann und erfüllen soll. Ja, un trou, il y a une place dans le cœur de l'homme que seulement Dieu lui-même peut occuper. Amen. Peut Amen. Remplir. You know, a lot want to be convinced before they come to Christ. Viele Leute wollen erstmal überzeugt werden, bevor sie zu Christus kommen. Beaucoup de personnes veulent être d'abord convaincues afin de venir vers Jésus. It means you can never come to Christ. Das heißt, du kannst niemals zu Christus kommen. Mais ça veut dire que tu vas jamais venir Amen. Vers Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. All you need to come to Christ is believe. Alles, was wir brauchen, um zu Christus zu kommen, ist zu glauben. Tout ce que tu dont tu as besoin pour venir vers Jésus-Christ, c'est la foi. Believe He died for you. Glauben, dass er für uns gestorben ist. Tu dois croire qu'il est mort pour toi, pour nous. Amen. No natural parents or friends or brothers or sisters or you yourself died for you. Weil keine natürliche Familie, natürliche Geschwister, kein Mensch ist für dich so gestorben. Parce que aucun de tes bien-aimés, aucun de tes proches est mort pour toi. Amen. Ou même toi-même, tu peux pas mourir pour toi-même. You know, Muhammad did not die for anybody. Muhammad ist für niemanden gestorben. And all these religion, the founders of religion, they did not die for anybody. Die ganzen religiösen Leiter, niemand von ihnen ist für irgendjemanden gestorben. Aucun homme religieux, aucun... ou alors Mohammed, même par exemple, chez les musulmans, n'est pas... C'est pas sacrifié pour tous les musulmans. Even if they died for you. Und selbst wenn sie für dich gestorben sind, et même s'ils sont morts pour toi, même s'ils sont sacrifiés pour toi, that died for you. Es ist immer noch der Mensch, der für dich gestorben ist. C'est toujours un homme qui s'est sacrifié. Jesus died for you. It's not man that died for you. It's God that died for you. Jesus für dich gestorben ist, bedeutet, dass Gott für dich gestorben ist. Mais quand on dit que Jésus-Christ est mort pour toi, que Jésus-Christ a été crucifié pour toi, c'est pas un homme, mais c'est Dieu qui s'est crucifié pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. No man's blood could save us. Kein menschliches Blut konnte uns retten. Parce que le sang humain n'est pas capable de nous sauver. If not Jesus, we don't need to come here. Sonst hätte sich Jesus die ganze Reise sparen können. Hätte sich auch immer irgendjemanden ausgepickt und dann hätte die Person das gemacht für uns alle. Aber nicht er selber wäre gekommen. Parce que si l'homme, non, si le sang humain était suffisant, Jésus-Christ n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. You know, Christ died for you. It means the only true God died for you. Christus ist für dich gestorben. Das heißt, der einzig wahrhaftige Gott ist für dich gestorben. Mais Jésus-Christ est mort. Ça veut dire que le seul vrai bon Dieu est mort pour toi. It is God's blood. Es ist Gottes Blut, was vergossen wurde. C'est le sang de Dieu qui a coulé pour toi. And not human's blood. Und nicht menschliches Blut. Et pas du sang humain. A drop of his blood is greater than all the blood of everyone that have ever lived on this earth. Ein Tropfen von seinem Blut ist größer als jegliches Blut von irgendeiner Person, die jemals diesen Erdboden berührt hat oder gesehen hat. Parce que une goutte de son sang est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que le sang de toute l'humanité. You can see how great is his blood. Ist es, that he can save the whole world. Wie groß sein Blut ist, dass es die ganze Welt retten kann. On peut voir que die ganze Menschheit retten kann. Que le sang de Dieu est vraiment puissant parce que son sang est capable de sauver toute l'humanité. Amen. Amen. His blood paid the price for you. Sein Blut hat deinen Preis bezahlt. Le sang de Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Amen. You know, here we don't convince people. Hier in dieser Gemeinde, in Königreich überzeugen wir Menschen nicht, an Jesus Christus zu glauben. Pendant le royaume des cieux ou alors même ici dans l'église, on n'est pas là pour convaincre les gens de croire à Jésus-Christ. We tell people the truth. Wir sagen Leuten die Wahrheit. On leur dit seulement la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Jesus was not here to convince anybody. Jesus when war he nicht came. Hier, um irgendjemanden zu überzeugen. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il n'était pas ici. Il n'est pas venu pour convaincre qui que ce soit. Amen. Amen. And also, he was not able to convince the Pharisees. Deswegen war er auch nicht in der Lage, die Pharisäer zu überzeugen. C'est la raison aussi pour laquelle il n'a pas convaincu les Pharisiens, par exemple. Look at what he was here to do. Schaut euch an, wozu er gekommen ist. Johannes 8, Vers 40. Dans Jean 8, 40, verset 40, on peut voir la raison pour laquelle il était ici sur terre. Are we there, please? Amen. Susie, can you help us to research? Verse 40. Johannes 8, 40. Jean 8, verset 40, pardon. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but now you seek to kill me, a man that has told you the truth, He came to reveal the truth to us. Er kam, um uns die Wahrheit to zu tell offenbaren. Us the truth. Il est venu pour nous donner la vérité, pour nous révéler la vérité. So also we tell people the truth. Genauso sagen wir Leuten auch einfach nur die Wahrheit. Et c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. On donne la vérité aux gens. Amen. Amen. If you look at here, he could not even convince them. Hier konnte er sie noch nicht mehr überzeugen. Ici, on peut voir qu'il a même pas été capable à les convaincre. Amen. Amen. Because that was not even his job. Weil das noch nicht mal seine Aufgabe war. Mais c'était pas son objectif. Amen. Amen. The Holy Spirit is the spirit of conviction. Der Heilige Geist, you have to say yes to überzeugt, before he can convince you. Wir müssen ja sagen, damit er uns überzeugen kann, überführen kann. C'est le Saint-Esprit est la seule personne qui peut convaincre une personne. Mais tu dois d'abord dire oui afin qu'il puisse te convaincre. Amen. Amen. The Holy Ghost is the spirit of conviction. Der Heilige Geist ist der Geist der Überführung. But he needs your cooperation. Aber er braucht unsere Kooperation dazu. Mm. Encore une fois, le Saint-Esprit est l'esprit de... Conviction. De conviction. Mais il a besoin de ta coopération afin de te convaincre. Jesus never do things without the power of the Holy Spirit. Jesus tut niemals Dinge ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Jésus-Christ ne fait jamais quoi que ce soit sans la force, sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. So also are we. Genau sind auch wir. Et c'est la même chose avec nous. Nothing can separate us from the Holy Spirit. Nichts kann uns vom Heiligen Geist trennen. Rien ne peut nous séparer du Saint-Esprit. No one should do that. Niemand sollte das tun. Personne doit le faire. Amen. Amen. It's not the Holy Spirit is to do it and not you. There's nothing like that. If I stand, the Holy Ghost stands. Wenn ich stehe, steht der Heilige Geist. Du kannst mich vom Heiligen Geist nicht trennen. Donc personne doit te séparer du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si tu dors, le Saint-Esprit aussi dort. Enfin, il veille sur toi. Si tu es debout, le Saint-Esprit aussi est debout avec toi. Remember, the Holy Ghost is a spirit. Erinnert-euch, der Heilige Geist ist Geist. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est un esprit. He needs a body. Er braucht einen Körper. Il a besoin d'un corps. To do anything here. Um hier auf Erden zu wirken. Afin de fonctionner sur Terre. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 10, let's go to Matthew 10. Matthew 10. Matthew 10. Praise the Lord. Amen. Matthew 10, from 16 to 20. 16 bis 20. Jesus sending them. Amen. Amen. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, wolves that we want to still kill and destroy you. Wölfe, die dich zerstören wollen. Don't be afraid of anybody. Er schickt dich hinein in ihre Mitte. Aber wir sollen keine Angst haben vor niemandem. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il sait où il nous envoie, mais on doit ne pas avoir peur, on ne doit pas craindre qui que ce soit. Can you help us, verse 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie Tauben. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. 17. Verset 17. But beware of men. Beware of men. Nimm dich in Acht vor Menschen. He's warning us against him. Und, because they are, you know, their body is always a vessel for Satan. Weil ihr Körper immer ein Gefäß des Satans ist. On doit se mettre en garde devant contre les hommes parce que l'homme se laisse toujours utiliser par le diable. Amen. Their body is always a vessel for Satan to go in, to go through, to steal, kill and destroy. Ihr Körper ist immer wieder ein Gefäß, um zu töten, stehen, zu zerstören. Kinder Gottes. Ils permettent le diable à utiliser leur corps afin qu'ils puissent nous détruire et nous tuer. Et voler de nous. He warned us against me. Er warnt uns vor Menschen. Il nous a dit de faire attention à l'homme, de faire attention à l'homme, ouais. He said, for they will deliver you up to the councils And they will scourge you in the synagogue. Verse 18. And you shall be brought before governors and kings for my sake. You know what they say about you. Wisst ihr, was sie über euch sagen? Vous savez ce qu'ils disent de vous? You know how many times they have questioned you concerning Christ Jesus that you depend on. Sie euch schon Frage gestellt haben wie Jesus Christus, auf den ihr euch verlässt? Combien de fois ils ont mis en question Jésus-Christ, la personne à qui tu t'es soumise? He said they will scourge you. Sie werden euch geißeln, quälen. Ils vont vous torturer. Verse 18, you shall be brought before governors, kings, for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what you shall speak. Amen. Anytime you are preaching to anybody, immer wenn ihr predigt, you are saying something to people. Sagt ihr das zu Leuten? Amen. As a child of God. Seid nicht ihr diejenigen, die spricht als Kinder Gottes, sondern es ist der Heilige Geist, der durch euch spricht. Amen. Si, à chaque fois qu'un enfant de Dieu est en train de prêcher, c'est pas la personne elle-même qui parle ou qui est en train de prêcher, mais c'est le Saint-Esprit en cette personne qui est en train de prêcher. Whatever we do it in Christ's name. Was immer wir tun wir um Christus willen. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la volonté de Dieu. And that means the Holy Ghost is the one doing it. Das heißt, der Heilige Geist ist derjenige, der es tut. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. It means the Holy Ghost is the one speaking through you. Der Heilige Geist ist derjenige, der durch dich. Whoever you are speaking to. Redet zu wem auch immer. Donc ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi, à la personne devant toi. Look at here, Jesus is the one that wrote here, that is, you know, that is speaking here. Qui est derjenige, der hier spricht? C'est Jésus-Christ qui parle ici. Verset 20. Look at it. He said, for it is not you that speak, but the spirit of your Father which speaketh in you. Then if you look at the Luke version of it, Luke 12. On va voir la version de Luc. Praise the Lord. Alleluia. And that's why people should be aware of you. Deswegen sollten sich Leute in Acht nehmen vor dir. C'est la raison pour laquelle les hommes doivent vous craindre. Amen. Amen. Luke 12. Lucas 12, verse 12. Luc 12, verset 12. Amen. Amen. Let us read 11 and 12. That's better. On va lire 11 et 12. And when they bring you unto the synagogue and unto magistrate and powers, take you no thought how or what thing you shall answer or what you shall say. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 12. Verset 12. Here he did not say the spirit of your father. Through here you can know that the spirit of your father is the Holy Ghost. Mm-hmm. Und hier sagt nicht der Geist eures Vaters, sondern hier sagt der Heilige Geist. Aber es zeigt uns, dass der Heilige Geist und der Geist des Vaters eins sind, gleich sind. Et ici, il est écrit le Saint-Esprit, pas l'esprit du Père, mais... Ici, on va comprendre que l'esprit du Père et le Saint-Esprit sont le même esprit. Praise the Lord. Alléluia. He said, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what you ought to say. Der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde zeigen, was ihr sagen sollt. Et car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Remember, our going, our coming in is all about Christ Jesus. And that's why the Holy Ghost is involved in your going out and your coming in. Unser Ein- und Ausgehen ist Jesus, und deswegen ist der Heilige Geist immer darin involviert. Quand on sort ou on rentre, c'est Jésus-Christ, et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est toujours impliqué. Amen. The Holy Ghost is the Spirit of Christ Jesus. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus Jesus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. He is the Spirit of Truth. Er ist der Geist der Wahrheit. Il est l'Esprit de la Vérité. Without him, you can never know the truth. Ohne ihn kannst du die Wahrheit nicht kennen. That's why John 16 is very important. Deswegen ist Johannes 16 sehr wichtig. Sans le Saint-Esprit, tu peux jamais connaître la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Jean 16... Jean 16 est très important. It is not what denomination call the truth. Es geht nicht um das, was verschiedene Lehren die Wahrheit nennen. Il ne s'agit pas de la vérité selon les différentes dominations. It's not what the media call the truth. Oder was die Medien die Wahrheit nennen. Ou alors ce que les infos ou la télévision appellent la vérité. Or what man or religion call the truth. Oder was Menschen Religion Wahrheit nennen. Ou alors ce que l'homme ou la religion appelle la vérité. But what Christ Jesus called the truth. Und was Jesus Christus Jesus die Wahrheit nennt. Amen. Mais ce que Jésus-Christ lui-même appelle la vérité. Amen. Amen. Amen. Remember he said in John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Erinnert euch, hat in Johannes 14 gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jésus-Christ, il a dit qu'il est la vie, le chemin et la lumière. Praise the Lord. Alléluia. From verse 7. Johannes 16, 7. Jean 16, à partir de verset 7. Are we there, please? Please look at your Bible. He said, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. He's talking about the Holy Ghost. Er redet hier über den Heiligen Geist. Et s'il s'agit du Saint-Esprit. When he was here, the whole of the Holy Ghost was upon him. Now you have to go so that he can send him to us. Als Jesus physisch hier auf Erden war, war der ganze Heilige Geist in ihm. Aber um ihn zu hinterlassen, musste er selber gehen, um den Heiligen Geist zu hinterlassen, damit wir ihn empfangen können. Quand Jésus-Christ était encore sur terre, le Saint-Esprit était entièrement en lui. Donc c'est seulement après son départ qu'il a pu nous laisser le Consolateur, nous partager le Consolateur, donc le Saint-Esprit. In verse 8, he said, and when he is come, he will reprove the world of sin. Verset 8. I love everyone here. Amen. Amen. He will help us to know what sin is. Er wird uns helfen zu erklären, was Sünde ist. Il va nous aider à comprendre ce qui est le péché. The sin is not about your lying, your stealing, your fornication. It's about ignoring Christ and rejecting him. Das, bei der Sünde geht es nicht um das die Unzucht, das Lügen und das Stehlen, sondern es geht darum, ihn zu verweigern, was die Wurzel von all dem ist. On parle du péché, il ne s'agit pas de la fornication ou de voler, de mentir ou quoi que ce soit. Le vrai péché est d'ignorer le Christ. And of righteousness and of judgment, verse 9. Of sin because they believe not on me. The only sin that was in Genesis, Adam refused to believe God. That was the only sin, and that is still the sin today. Mm. You believe not on Christ Jesus. In 1. Mose, die Sünde, die Adam begangen hat, war, Gott nicht zu vertrauen, Gott nicht zu glauben. Das war die Sünde, die passiert ist und ist auch die Sünde, die heute noch die wahrhaftige Sünde ist im Leben von Kindern Gottes und Menschen. Le péché qui a mené à la chute de l'homme et que Adam n'a pas cru ou n'a pas fait confiance en Dieu, et c'est le même péché qui reste jusqu'à aujourd'hui. Verse 9 is very, very important. Look at it. Of sin. Verset 9. He said, the sin that you do not believe on me. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Singular, not plural. Il s'agit d'un péché. Et le péché est de ne pas croire en Dieu, en Jésus-Christ. Because if you see Christ, the light is on, darkness vanishes. Amen. Und hier steht ganz klar, Sünde, nicht Sünden, weil... wenn du auf Christus schaust, wenn du ihn glaubst, dann ist das Licht an und wird die Dunkelheit verschwinden. Wenn du auf ihn schaust und du ihn glaubst, wirst du nicht die Dinge tun, die er hasst. Et c'est la raison pour laquelle que si tu considères Jésus-Christ, si tu es concentré sur Jésus-Christ, tu seras dans sa lumière et tu seras sa lumière, et là où il y a la lumière, il y a pas l'obscurité. Donc automatiquement, tu seras rempli de Jésus-Christ lui-même, de la vérité, de sa lumière et pas d'obscurité. Donc, il n'y aura pas de péché en toi. Your word have I hid in my heart, so that I will not sin against you. Amen. Bible sagt ganz klar. Christ have I that occupy my heart. I cannot even remember to sin. Dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen, damit ich eben nicht gegen dich sündige, damit ich noch nicht mal daran gedenke zu sündigen, weil ich so krass damit beschäftigt bin, an dich zu denken, an das, was du für mich getan hast. Kennst du die Bibelstelle? Kennst du die Bibelstelle genau? Wortlaut? Your word have I hid in my heart, so that I will not sin against you. Dans la Bible, il est écrit. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ou agir contre toi. C'est dans un des psaumes. Praise the Lord. Amen. Of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. Verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Mm-hmm. Amen. Amen. He will guide you, the Holy Ghost. Without the Holy Ghost, the truth, you know, is a lie. Ohne den Heiligen Geist ist die Wahrheit, die du meinst zu kennen, eine Lüge. Sans le Saint-Esprit, la vérité que tu crois connaître est un mensonge. And if you read your father, he said the Holy Spirit will reveal me to you. I not reveal anything else to you but me. I am your life. He reveal me to you. Amen. Wenn wir weiterlesen, steht ganz klar, dass der Heilige Geist uns genau, dass der Heilige Geist uns nur Jesus Christus offenbaren wird und nicht uns selbst oder andere Menschen, sondern nur von Jesus Christus wird er bezeugen. Et si tu continues à lire, tu vas voir plus tard que le Saint-Esprit peut seulement témoigner de Jésus-Christ, va seulement nous conduire vers la vérité et nous conduire vers Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la vérité et rien d'autre. Praise the Lord. Alléluia. We never speak without the power of the Holy Spirit. Ich spreche niemals ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Parle jamais sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. So when you are speaking to people, the Holy Ghost is the one speaking. Wenn wir zu Menschen sprechen, ist es der Heilige Geist. Don't ever separate yourself from Trenne dich nicht vom Geist, vom Geist von Christus. On ne jamais. Donc quand on prêche aux gens, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prêcher. Donc il est très important de jamais se séparer du Saint-Esprit. You know, the Holy Spirit and power go together. Der Heilige Geist und Kraft are together. Gehören it's zusammen. In Acts 1. It says, when you receive the Holy Ghost, you receive power. In Apostelgeschichte power schon. Comes with the... You know, once the Holy Ghost is at work, there's always power going with it. And that's why when people see you, if you are speaking, they see it as false. They see things as false. The people, when you are speaking to them, they say, are you forcing me? Or are you trying to convince me? Are you forcing me? The Holy Ghost go to Act 1. Act 1, please. Apostelgeschichte 1. Acte des Apôtres 1. Wenn wir zu Leuten sprechen, scheint es so, als ob wir sie zwingen würden, aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die durch uns spricht und die durch uns die Wahrheit die durch uns die Wahrheit bezeugt. Quand on prêche aux gens, c'est le Saint-Esprit qui prêche aux gens. Donc ça, yeah. C'est toujours en accord avec la puissance du Saint-Esprit parce que dans Genèse, il est écrit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi automatiquement sa puissance. Donc, quand les gens se sont forcés de temps en temps, c'est le Saint-Esprit qui est en train de les pousser, mais ce n'est pas nous qui sommes en train de les forcer parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Amen. Actes des Apôtres, verset 8, 1, verset 8, pardon. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Praise the Lord. Alleluia. The power of the Holy Ghost. Die Kraft des Heiligen Geistes. La puissance du Saint-Esprit. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Praise the Lord. Alleluia. Without the Holy Ghost, no need to witness. Ohne den Heiligen Geist können wir kein Zeugnis geben. Sans le Saint-Esprit, nous serons jamais des témoins. Amen. Amen. Remember Paul, is it not Paul? Or Peter? That's act, is it act of apostle? There were some people that were preaching. And Paul said, have you received the Holy Ghost since you became saved? They said they have not even heard about anything about the Holy Ghost. The Paul said, with what power are you preaching? You need the power to preach the message of Christ. Petrus oder Paulus hatte Menschen gesehen. Ich glaube, das war Paulus. Ich meine, das war Paulus. Apostelgeschichte. Let us go then. Praise the Lord. Halleluja. Acts. The Book of Acts. Apostelgeschichte. Acts 19. Stay 19. Okay, thank you, sir. 19. Acts 19. From verse 1. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. Verse 2. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? Praise the Lord. Hallelujah. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Mm-hmm. It sounds like everywhere today. Amen. Überall heutzutage. Have you received the Holy Ghost since you believe? Without the power of the Holy Ghost, no man should preach Christ. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes soll niemand Christus predigen. If you do, you are preaching lies. Wenn du es tust, prägst du Lügen, weil du das Fleisch predigst. Mm. Donc, sans la puissance du Saint-Esprit, ou même sans le Saint-Esprit, personne n'a le droit de prêcher Jésus-Christ, parce que sinon, tu es en train de prêcher des mensonges. Amen. Verset 3. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John the Baptist. Verse 4. Then Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came up on them, and they speak with tongues and prophesy. Praise the Lord. Hallelujah. You get it here. So before that time, they were just. They were just empty vessels. Vorher waren es einfach nur leere Gefäße. We need the power of the Holy Spirit. Aber wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. To preach the gospel of Christ. Um das Evangelium verbreiten zu können. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour afin de prêcher l'évangile du Christ. Amen. Amen. You know, once we are preaching to people, it's as if we are proud. It's as if we are shouting. It's as if we are commanding. That is the power of the Holy Spirit. Wenn wir zu Leuten predigen, ist es so, als ob wir schreien oder ob wir befehlen. Oh, we want to convince oder Leute überzeugen wollen. Aber das ist die Kraft of the Holy Spirit des Heiligen Geistes, doing his job. Der wirkt. Quand on prêche aux gens, on a l'impression de les gens ont l'impression qu'on est force ou alors qu'on est orgueilleux, qu'on est en train d'imposer notre volonté, alors que les gens comprennent pas que c'est la puissance du Saint-Esprit. And because of the power of the Holy Spirit, we repeat things always to the people. We repeat the message. We keep on saying it. Und wegen der Kraft des Heiligen Geistes wiederholen wir die Dinge und sagen es mal wieder und wieder. À cause de la puissance du Saint-Esprit, c'est la raison pour laquelle on répète les choses sans cesse. And it began to see it as false because of their flesh. Die Menschen sehen es als Zwang wegen ihrem Fleisch. Et à cause de la chair, les gens pensent que on est en train de les forcer. Amen. Praise the Lord. Not the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of religion. Kein Unterschied zwischen dem Königreich des Himmels und dem Königreich von Religion. Donc, on doit connaître la différence entre le royaume des cieux et le royaume de la religion. Amen. Amen. In religion, it is conviction before you believe. In Religion werden Leute überzeugt, bevor sie glauben. Dans la religion, les gens doivent être d'abord être convaincus afin de croire. In the kingdom of heaven, you believe before conviction. Im Königreich des Himmels glaubt man, bevor man überzeugt wird. Et dans le royaume des cieux, tu dois d'abord croire avant d'être convaincu. Yeah. Amen. If you believe, you act. Wenn du glaubst, dann handelst du. Si tu crois, tu agis selon ta foi. Ouais. Remember, faith without action is a dead faith. At least be better than Satan. Erinnert euch, dass der Glauben ohne Taten ein toter Glauben ist. Rappelez-vous que la foi sans action est une foi morte. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bon. Jacques. James. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I love you everywhere. No, I always love everywhere in the Bible. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Those that believe without submission to Christ. Die glauben ohne. They are not better than Satan. Hingabe an Christus, die sind nicht. Besser als der Satan, weil der Satan glaubt auch, aber er hat sich dem Herrn nicht hingegeben. Yes. Les gens qui croient en Jésus-Christ sans se soumettre, ils sont pas mieux que le diable, parce que le diable aussi croit en Jésus-Christ, mais il se soumet pas. Verse 17, from verse 17 to the end. Jacques 2, verset 17 jusqu'à la fin. Are we there, please? Not yet. Please be there. Johannes 2. He said, even so faith, if it had not worked, is dead, being alone. I believe alone is not enough. Show me your work, your action. Then I believe you. Nur zu glauben reicht nicht. Zeig mir deine Taten, dein Handeln danach. Dann kann ich dir glauben. Zu sagen, dass ich glaube, reicht nicht. Nicht zu glauben. Also, wenn du den Mund sagst, muss man es auch danach handeln. Donc tu dois pas seulement le dire à travers ta bouche que tu crois, mais tes œuvres doivent aussi suivre. Verset 18. Yeah, a man may say that I have faith and I have work. Show me your faith without your work, and I will show thee my faith by my works. Praise the Lord. Alléluia. Verse 19. That believer that there is one God, that doeth well. Yeah. The devils also believe and tremble. Amen. Amen. Amen. The devil believe it, but there is no action. Der Satan glaubt auch, aber er handelt nicht danach. Le diable croit aussi qu'il y a un seul Dieu et il tremble aussi, mais ils ne se soumettent pas à Jésus-Christ. Verset 20. But without all vain man, that faith without work is dead. A dead faith. Ein toter Glauben. A lot, they have a dead faith. Viele haben einen toten Glauben. If you believe Jesus Christ, you receive him as your Lord and your personal Savior. Wenn wir an Jesus Christus glauben, without action. Müssen wir ihn als unseren persönlichen Herrn und Retter akzeptieren. Amen. Wir können nicht glauben, ohne danach zu handeln. Donc, si tu crois, tu dois aussi les œuvres doivent aussi suivre. Comme nous, par exemple, on croit en Jésus-Christ, donc on croit aussi qu'il est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'on a soumis notre vie sous Jésus-Christ. Mais si tu ne fais pas, ta foi est une foi morte. If you believe the Lord Jesus, Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, wirst du dich ihm hingeben. Amen. Mm-hmm. See in your life. Das wird sich in deinem Leben zeigen. You love what you love and hate what you hate. Du wirst das lieben, was er liebt, und das hassen, was er hasst. Donc si tu crois en Jésus-Christ, ça va automatiquement, ça va se voir dans ta vie, parce que tu vas soumettre ta vie sous Jésus-Christ, tu vas aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Jennifer, can you help us to read verse 21? Verset 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Praise the Lord. Halleluja. Verse 22. Verset 22. See thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 24. You see there how that by works a man is justified and not by faith only. I believe only. If you believe, you act. Wenn wir glauben, without your action, you don't believe. Ohne unser Handeln glauben wir nicht wirklich. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, bien sûr, la foi fait partie c'est une partie de ce que voit Dieu quand il nous voit, enfin de l'acceptance qu'on peut avoir envers Dieu. Mais si nos œuvres, nos actions ne suivent pas, là ça sert à rien, ça sera en vain. If you believe Jesus died for you, you will receive him as your Lord and your Savior. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann wirst du ihn als deinen Herrn und Retter auch akzeptieren. Et si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, tu vas aussi automatiquement l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Verse 26. Verset 26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. A dead faith. Ein toter Glaube. Une foi morte. Amen. Amen. A lot are they occupied with a dead faith. Viele sind umgeben von einem toten Glauben. Jesus, that you are not for Jesus. Wir glauben an Jesus, receive him as aber Lord and your Savior. Nicht für Jesus. Wir wollen ihn nicht offiziell als Herrn und Retter akzeptieren. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi morte, ils croient d'une manière ou d'une autre en Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas se soumettre à Jésus-Christ, ils ne veulent jamais accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. They will say, I believe you, I believe what you are saying, but they will not surrender to Christ Jesus. Sie sagen, ja, wir glauben, your faith is a dead der Botschaft, aber wir akzeptieren es dennoch nicht und deswegen ist unser Glaube ein toter Glaube. Les gens vont croire à l'Écriture, à la parole de Dieu, mais ils ne vont quand même pas se soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit needs your invitation. Der Heilige Geist braucht unsere Einladung. Le Saint-Esprit a besoin de ton invitation. Amen. Amen. He needs you. He cannot force things on you. Weil er kann die Dinge nicht aufzwingen. Parce que c'est pas un esprit de force. Il va jamais te forcer à faire quoi que ce soit. That brothers and sisters, friends are there telling you about Jesus Christ. Telling you, revealing Christ to you. It means the Holy Ghost is already working. And speaking is the one speaking to you. Amen. Not just man. Dass Geschwister, Freunde gibt, die zu dir sprechen über Jesus, zeigt, dass der Heilige Geist da ist und zu dir spricht, dass es nicht nur Menschen sind, die zu dir sprechen. Et si des frères et sœurs ou des amis te parlent de Jésus-Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. In John 14, from verse 15, Jesus said a lot of things there. John 14, from verse 15. Jean 14, à partir de verset 15. Amen. He talks about his commandments. Jésus spricht hier über seine Gebote. Et Jésus-Christ parle de ses commandements. Amen. Amen. John 14. Johannes 14. Jean 14. He talks about his commandments. Spricht über seine Gebote. Il parle de ses commandements. His commandment is different from Moses' commandments. Seine Gebote sind anders als die Gebote von Mose. Les commandements de Jésus-Christ sont pas les mêmes que les commandements de. Amen. Amen. Not the difference between Christ's commandment and Moses' commandment. Il y a un Unterschied zwischen den Geboten von Christus und von Mose. On doit connaître la différence entre les commandements de Moïse et les commandements de Jésus. The Holy Spirit is the Spirit of Christ and not the Spirit of Moses. Amen. Der Heilige Geist ist der Geist von Christus, nicht der Geist von Mose. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus-Christ et pas l'esprit de Moïse. Amen. Amen. From verse 15 of John 14. Johannes 14, Vers 15. Jean 14, verset 15. He said, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Hallelujah. And we have to know his commandments. Wir müssen seine Gebote kennen. Und er kennt die Commandments. His commandment is in 1 John 3. Sein Gebot ist in 1. To know his commandment, you have to go to 1 John 3. Um sein Gebot zu kennen, müssen wir zuerst. We are coming back here, please. Mm-hmm. On va retourner à Jean 15, mais on va d'abord voir 1 John 3. Pour mieux comprendre ses commandements. To know the commandment of Christ. 1 Johannes 3. 1 Jean 3. From 22. Vers 22. For the end. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing. Mm-hmm. In his sight. Talking about Jesus Christ. Il spricht über Jesus Christus. Il parle de Jésus Christ ici. Verse 23. Verse 23. And this is his commandment, that we should believe on the name of his son, Jesus Christ. Amen. And love one another as he gave us commandment. Amen. Praise the Lord. Amen. It is no longer thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. It is now thou shalt. Um die Verbote, sondern es geht um das, was wir jetzt tun sollen, die Befehle. Nämlich zu glauben und zu lieben. Donc ici on peut voir qu'il s'agit plus des commandements. Non, il s'agit plus des 10 commandements, mais des interdisements, mais plutôt de ceux qu'on doit faire, plutôt d'un commandement qu'on doit faire. Qu'il nous a donné. Verset 24. Amen. Who will help us to read verse 24? Jennifer Schatz. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Amen. You can see how to live in him and he live in you. It's by believing him. Ihr seht, wie wir in ihm leben und er in uns. Are you getting it? Leben in Glauben, mm-hmm. So einfach. Si on croit en lui, c'est comme ça que Dieu peut demeurer en lui et nous, on peut demeurer en lui. Que lui peut demeurer en nous et nous, on peut demeurer en lui. And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. How to dwell in him, and in him, and you in him. It is by believing him and loving one another. Wie er in uns wohnt und wir in ihm wohnen, indem wir ihm glauben und einander lieben. On doit croire en Jésus-Christ et s'aimer dans son amour. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Go back to John 14, please. Johannes 14. Jean 14. If you, verse 15 again. If you love me, keep my commandment. And the commandment, we just read it. Are you getting it? Wir haben das Gebot we just read it. On vient de lire son commandement. Glauben an mich. Jean 14, verset 15. Praise the Lord. Hallelujah. You know, his commandment is not Moses' commandment. Sein Gebot ist nicht das Gebot von Mose. Son commandement ne sont pas les commandements de Moïse. Moses' commandment, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Sein verboten. Parce que dans les commandements de Moïse, il s'agissait de ceux qui est interdit. And his commandment is you shall. Sein Gebot ist nämlich thou shalt. Der Befehl. Thou shalt believe. Wir sollen ihm glauben. Et le commandement de Jésus-Christ nous dit de ce qu'on doit faire et pas ce qu'on doit pas faire. Et ce qu'on doit faire est de croire en Jésus-Christ et de s'aimer les uns les autres en Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. If you verse 16. And I will pray the Father. And he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. forever. The Holy Ghost will abide with you forever and not for some time. The Holy Spirit was coming and going. Mm-hmm. But now he's leaving you forever. Im alten Bündnis ist der Heilige Geist gekommen und gegangen, aber jetzt im neuen Bündnis durch Jesus Christus bleibt er in dir für immer. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, on peut voir que le Saint-Esprit faisait des allers-retours, faisait des va-et-vient. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, à travers Jésus-Christ, il peut demeurer en nous pour toujours. Verset 17. Verset 17. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. Praise the Lord. Hallelujah. He's knocking on their door, but they cannot receive him. You have to believe him before you can receive him. Er klopft an ihrer Tür, aber sie können ihn nicht akzeptieren. Du musst ihn erst glauben, bevor du ihm öffnen kannst, bevor du ihn akzeptieren kannst. Before you can hear his voice, you have to first of all believe. Bevor du seine Stimme hören kannst, musst du ihm erstmal glauben. Et le Saint-Esprit toque chaque jour à nos portes, à la porte de tout le monde, mais tu dois d'abord croire en Jésus-Christ afin d'ouvrir cette porte au Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth he. But you know he, for he dwelleth with you and shall be in you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until you receive Christ, you are not able to mention anything, Holy Spirit. Können wir überhaupt den Heiligen Geist in den Mund nehmen? Sans avoir reçu ou accepté Jésus-Christ, tu n'as rien à voir avec le Saint-Esprit, donc tu ne dois pas prêcher au nom du Saint-Esprit ou faire quoi que ce soit au nom du Saint-Esprit. They mentioned Holy Spirit, not knowing that they are talking about evil spirit. Viele sagen Heiliger Geist und wissen gar nicht, dass sie damit einen anderen bösartigen Geist meinen. Beaucoup parlent du Saint-Esprit sans savoir qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit mais plutôt un esprit malsain. The Holy Spirit is after Christ Jesus. Der Heilige Geist ist hinter Christus Jesus her. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus-Christ et se manifeste seulement quand il s'agit de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Yet a little while. The world seeth me no more. But you see me because I live. You shall live also. Mm. Praise the Lord. Amen. Because he lives, I can face tomorrow. Weil er lebt, Amen. Kann ich den morgen Tag, dem morgigen Tag gegenüberstehen. Ich den morgigen Tag gegenüberstellen. Grâce, parce que il est vivant, je ne craindrai pas le lendemain. Je peux... Comment on dit? Praise the Lord. Hallelujah. Je peux affronter le lendemain. Amen. Verse 20. At that day, 20. You shall know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He that hath my commandment and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be love of my Father, and I will love him, and we manifest myself to him. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Amen. Amen. Then in verse 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Amen. He that loveth me not, keepeth not my sayings. 24. And the word which you hear is not mine, but the Father which sent me. These things speak, have I spoken unto you, be yet present with you. But the Comforter which the Holy Ghost which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said to you. Praise the Lord. Hallelujah. Invite the Holy Spirit, please. Invitez le Saint-Esprit. Amen. Have the Spirit of humility. Ich habe den Geist der Demut. On doit avoir l'esprit de d'humilité. Amen. You believe Christ. On doit croire en Jésus-Christ. Before conviction. Du glaubst Christus, bevor du überzeugt wirst. You come to him before you can be even convinced. Du kommst zu ihm, bevor du überhaupt überzeugt werden kannst. Tu crois en Jésus-Christ avant d'être convaincu. When I came to Christ, I did not know anything. Als du Christus gekommen bist, wusste ich, kannte ich nichts. Quand je suis venu vers Jésus-Christ, je connaissais rien. Amen. Whoever come to God, you must believe he is. Wer immer zu Gott kommt, muss aber glauben, dass er ist. Mais si quelqu'un vient vers Dieu, doit croire que Dieu est Dieu. You believe he is the true God and not you. Du glaubst, dass er der wahrhaftige Gott ist. That's why you are there to him. That's why you come to him. Deswegen kommst du zu ihm. Mm. Tu dois croire qu'il est le seul vrai et bon Dieu. C'est la raison pour laquelle tu viens vers nous. On retourne vers Jacques 4. Praise the Lord. Hallelujah. James 4 again. Amen. Verse 6. But he giveth more grace. Wherefore he said, God resists the proud. But give grace to the humble. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some are so proud they cannot come to receive Christ Jesus. Einige so stolz, dass sie sich, dass sie nicht kommen können, um Jesus Christus zu empfangen. Certains d'entre nous sont si fiers qu'ils peuvent pas venir vers Jésus Christ et accepter Jésus Christ. Only the humble can have His grace. Nur die Demütigen können seine Gnade haben. Amen. Amen. The grace of conviction. Die Gnade der Überzeugung. The grace of knowing him. Die Gnade darüber, ihn zu kennen. Ah, seulement ceux qui se soumettent à Jésus-Christ peuvent avoir la grâce de connaître Jésus-Christ, de la grâce d'être convaincu par le Saint-Esprit. If you look at the Jews, for example. Wenn wir uns die Juden beispielsweise anschauen. Les Juifs, par exemple. They refuse to humble themselves before Christ. Sie haben sich geweigert, sich vor Christus zu demütigen. Ils ont refusé à se soumettre, à s'humilier devant Jésus-Christ. They were full of pride. Sie waren voll von Stolz. Ils étaient remplis d'orgueil. And that is why the grace was not there for them. Sie war die Gnade für sie nicht da. They could not have it. Sie konnten sie nicht empfangen. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu recevoir la grâce de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Ghost could not convince them. Der Heilige Geist konnte sie nicht überzeugen. Le Saint-Esprit n'a pas pu les convaincre. Because they refused to humble before Jesus. Weil sie sich geweigert haben, sich vor Christus zu demütigen. Parce qu'ils ont refusé de s'humilier devant Jésus-Christ. Amen. Amen. We just read, we had the Bible. You know, this is not the same James 4. Where he said, okay, James 2. Praise the Lord. Hallelujah. That Lucifer believed that there was no action. Auch in Jakobus lesen wir, dass Lucifer hat geglaubt, aber er hat nicht danach gehandelt, nachdem was er geglaubt hat. Deswegen hat er sich nicht dem Herrn ergeben. Dans Jacques 2, on peut voir que Lucifer a aussi cru, mais il a pas pu s'humilier devant Dieu, se soumettre à Dieu. If you believe the message, then receive Christ Jesus. Wenn du der Botschaft glaubst, dann sollst du Christus Jesus empfangen. Mm. Si tu crois à l'Écriture, si tu crois au message, tu vas recevoir Jésus-Christ. If you believe Christ, then receive Christ Jesus. Wenn du Christus glaubst, dann empfange Christus und wandle in ihm. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu dois recevoir Jésus-Christ. If not, the Bible says you are not different from Satan. Et tu dois croire en Jésus-Christ et agir selon Jésus-Christ. Sondern sagt die Bibel, dass du nicht anders bist als der Satan, der auch die Existenz von Gott anerkennt, aber halt nicht sich demütigt vor dem Herrn. Parce que sinon tu n'es pas différent. T'es pas forcément différent du diable qui craint l'Éternel, mais ne se met pas à lui. Amen. Proverbe 8. Sprüche 8. Vers 17. Proverbe 8. He said, you should seek me early. Sprüche 8, Vers 17. Proverbe 8, Vers 17. I love them that love me. You see that? It means I hate them that hate me. Das heißt, er hasst die, die ihn hassen. Jesus said, you know, John 14, if you love me, keep my commandment. If you love me, believe me. If you believe me, then I know you love me. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr meine Gebote. Weil wenn ihr meine Gebote tut, dann weiß ich, dass ihr mich liebt. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. I love them that love me, said the Lord. It means I hate them that hate me also. Because there is no more grandiose love, there is also hate. Und wenn es Liebe gibt, gibt es auch Hass. Das heißt, wenn er die liebt, die ihn lieben, hasst er auch die, die ihn hassen. Mm. Si Dieu aime ceux qui l'aiment, ça veut dire aussi qu'il déteste ceux qu'il déteste. Parce que là où il y a l'amour, il y a aussi avoir la, la haine automatiquement. Mm. Amen. Amen. Jesus said, if you love me, keep my commandment. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, wenn ihr mich liebt, dann tut meine Gebote. Et Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, suivez mon commandement. My commandment is that you believe me and you love one another. Mein Gebot ist, dass ihr mich liebt und einander liebt. Et mon commandement est que vous m'aimez et que vous aimez les uns les autres. And James said, if you believe, you act. Und Jakobus schrieb, wenn du glaubst, there's no belief without action. Wenn du glaubst, dann handelst du, denn es gibt keinen Glauben ohne Handeln. Et dans Jacques, on peut voir que si tu crois, tu dois aussi agir, parce qu'il n'y a pas de foi sans acte. Amen. Your action speaks louder than your voice. Dein Handeln spricht lauter als deine Stimme. Tes actions sont plus, la voix de vos actions sont plus plus forte que vous. You know that your action speaks louder than your voice. Euer Handeln spricht lauter als eure Stimme. Vos actions sont plus fortes que votre voix. If you believe Jesus and you say no to Jesus, it means you don't believe him. Because your action is saying yes. Just like you say yes to believing him. Wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst, aber an Jesus nicht empfängst, dann glaubst du nicht an Jesus Christus. Wenn du an ihn glauben würdest, dann würdest du ihn auch empfangen. Parce que si tu dis que tu oui, tu crois en Jésus Christ, mais tu n'as pas d'action, ça signifie que tu ne crois pas à lui. Parce que si tu croyais réellement à lui, tu allais agir ainsi, tu avais dire oui, je te. Oui. I love them that love me. And those that seek me, early shall find me. Praise the Lord. Et s'il dit que ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Praise the Lord. Hallelujah. To seek. Suchen. Chercher. The Bible says we should not seek wife. Bible sagt, don't seek husband. Ehemänner, don't seek Ehefrauen. Those things are to seek us. Wir sollen Geld nicht suchen. Diese Dinge sollen uns aufsuchen. La Bible nous dit qu'on ne doit pas chercher un époux, une épouse, de l'argent, du travail. C'est dans ces histoires-là qu'ils vont commencer à nous chercher. On va le lire, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthiens 7, 27. 1 Corinthiens 7, 27. Are thou bound unto a wife? Seek not to be loose. Are thou loose from a wife? Seek not a wife. Praise the Lord. Alleluia. Seek not a wife. Suche keine Frau. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Adam did not seek a wife. Adam hat nicht nach einer Frau gesucht. Ils ont dit aussi. Ne cherche pas une femme, tout comme Adam n'a pas cherché une femme. If you are seeking wife, you are seeking evil. Wenn du nach einer Frau suchst, suchst du nach dem Bösen. Si tu cherches une femme, tu es en train de chercher le mal. So also, if you seek husband, you seek evil. Genau, wenn du einen Ehemann suchst, suchst du das Böse. Tout comme quand tu cherches une femme, un homme, tu es en train de chercher le mal. The Bible says seek Christ. Die Bibel sagt, suche Gott. Read it. Seek me. Und nicht seek husband, seek nicht Ehemann oder Ehefrau. C'est pour cela la Bible dit que cherche-moi, tu dois chercher le royaume des cieux et pas un être humain, pas une femme et un homme. Amen. Amen. The Bible says, seek the kingdom of heaven. and all others will be added unto you. Amen. He did not say seek wealth, seek money, seek things. He said seek the kingdom, seek Jesus. Amen. Once you seek Jesus, others, they are to seek you. They look for you. Er sagt, suche nach dem Königreich Gottes, dann wird, wird alles andere dich aufsuchen. Du sollst dich alles andere aufsuchen, weil sonst wirst du darin verloren gehen. Et la Bible nous dit qu'on doit chercher le royaume des cieux et tout nous sera ajouté. Pas qu'on doit chercher le royaume des cieux et une femme ou le royaume des cieux et de l'argent, quoi que ce soit, parce que sinon... On va plutôt s'écarter de l'Éternel et pas se rapprocher. If you look at Adam, Adam did not even know if there's anything like wife. Adam, that's how we are to live. That there's nothing like husband, there's nothing like wife. Adam. Only for Jesus. And everything we walk along as you walk, as you move, as you live and seek him alone. Amen. Adam kannte das Konzept von Ehefrau und Ehemann gar nicht. Er hat einfach nur gelebt und der Herr hat versorgt. Und genauso sollen wir auch sein. Wir sollen diese ganzen Konzepte gar nicht kennen oder vor Augen haben, sondern einfach mit ihm leben und der Herr versorgt. Mm. Dieu est notre fournisseur. Adam, par exemple, il savait pas ce que c'est un mariage ou une femme ou quoi que ce soit. Mais Dieu savait de quoi on a besoin et c'est pour ça qu'il a fourni. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Matthew 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and this and all these things shall be added. The Matthew 6, you seek the kingdom, you seek Christ, you seek to believe him, keep on believing him. All others. We seek you. Steht, such nach dem Königreich Gottes und alles andere wird dir hinzugeben. Alles andere wird dich aussuchen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Then Deuteronomy 5. Mose. Deuteronomy 28. 5. Mose 28. 5. Mose 28. Amen. Deuteronome 28, verse 1 and 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Deutéronome 28, 1 et 2. Look at what is there. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, your God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord your God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come on thee. Are you getting it? Verse 2. All the blessings shall come on thee and overtake thee. The blessings are to seek you and not you seeking blessing. Amen. You don't seek wife. You don't seek blessing. You don't seek those things. You seek the Lord. Wir suchen nicht den Segen, wir suchen nicht nach Menschen, nach Dingen, nach Gegenständen, sondern wir suchen den Herrn. Alles andere wird uns aufsuchen. Donc on ne doit pas chercher l'homme ou alors des biens de ce monde, mais c'est plutôt les biens de ce monde qui vont nous chercher, parce que on ne doit pas chercher la bénédiction dans des choses charnelles, mais plutôt seulement dans Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The blessings are to come on thee, and not you pursuing them. Die Segnungen sollen dir nachgehen und nicht du sollst sie hinterherjagen, sollst ihnen hinterherjagen. To have wife, to have husband is part of the Lord's blessing. Und Ehe ist ein Teil von Gottes Segen. Et le mariage est une partie des bénédictions de l'Éternel pour toi. The Bible says, "He who find a wife find a good thing." Amen. But you can find a wife and find death. No. Die Bibel sagt, dass wer eine Frau findet, findet etwas Gutes. Aber du kannst auch eine Frau finden und den Tod auffinden. Mm-hmm. La Bible dit que si tu trouves une femme, tu as trouvé quelque chose de bon. Mais tu peux aussi trouver une femme et trouver la mort. Amen. Amen. You know, wife, husband, you know, all these blessings, they are all the Lord. The Lord is the provider of them for you. Allow him to provide. The when you seek him, Amen. Und lass auch zu, dass er versorgt, aber du musst ihn suchen. Mm-hmm. Tu dois chercher l'Éternel afin que l'Éternel peut prendre soin de toi. If you seek them, they become a curse for you. Aber wenn du sie suchst, werden sie zu einem Fluch. Mais si tu cherches les biens de ce monde, ces biens de ce monde vont devenir une malédiction pour toi. Instead of a blessing, they become a curse. Anstatt dass sie zu einem Segen werden, werden sie zu einem Fluch. Les choses qui devaient être une bénédiction deviennent une malédiction. Verse 41 of this very chapter. 41. Verset 41 de Deutéronome 28. Look at it. He said, "Thou shalt be God's sons and daughters, but thou shalt not enjoy them." Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. You know, people believe that children they are coming from the Lord. The religion, that is their music. Amen. Our children, evil demons. They are all these demonic children. They believe they are coming from the Lord. Amen. He said, "You will have children, you will never enjoy them. Mm-hmm. They become a curse upon you." Mm-hmm. Religiöse Menschen glauben, dass alle Kinder von Jesus Christus kommen, aber es ist eine Lüge. Es steht ganz klar, dass es Kinder und Söhne und Töchter gibt, die wirklich vom Satan gekommen sind. Wieder. Und die für dich Gefangenschaft heißen werden. Mm. Et le monde ou même les gens religieux pensent que tout enfant vient de Jésus-Christ et que chaque enfant est une bénédiction, or que ce n'est pas le cas. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 16:17 says, "Signs and wonders shall follow you, and not you pursuing signs and wonders." Zeichen und Wunder werden uns nachgehen und nicht umgekehrt. Nicht wir werden Zeichen und Wunder suchen. Mm. Mm. Donc des miracles et des signes vont nous poursuivre, et ça doit pas être l'inverse. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to follow Christ is risky. Christus zu folgen ist riskant. Suivre Jésus-Christ est quelque chose de très risquant. Ouais. Amen. Amen. It is more easier to follow Christianity. Es ist einfacher, dem Christentum nachzugehen. C'est plus facile de suivre le christianisme. To follow the kingdom of heaven, the kingdom of Christ Jesus. It is risky. Es ist riskant, dem Königreich des Himmels zu folgen. C'est un risque de suivre le royaume des cieux. You know how risky it is. Siehst du, wie riskant es ist? Go to Mark 10. Markus 10. You see how risky it is. Dans Marc 10, on peut voir à quel point. Praise the Lord. Suivre Jésus-Christ est un risque. This man went to suivre le royaume des cieux. You know, remember the man. Der reiche Jüngling ist traurig weggegangen. L'homme riche a quitté l'endroit triste. He thought the message is tralala. Er dachte, die Botschaft ist ein Zuckerschlecken. He thought the kingdom of heaven is tralala. Er dachte, das Königreich des Himmels ein Spaziergang ist. Il a cru que le message et le royaume des cieux sont quelque chose de facile. Tralala. Tralala. It's like spear, play. You know, Christianity, you just go to church, you just live your old life, and you know, the Lord is not here. You don't remember the Lord until next Sunday. Then, it's to church again, let me go there. Once you come to Christ's kingdom, you're going out, you're coming in His Christ Jesus. Amen. That's how sicknesses and disease, they run away from you. Amen. Wenn es um das Königreich geht, dann... Death run away from you. Das ist eine ernste Sache, und alles, was nicht von Christus ist, wird von dir fliehen. Mm. Donc, si tu viens vers Jésus-Christ, faut savoir que c'est pas un hobby, c'est pas un truc qu'on fait seulement en temps partiel. Donc, tout ce que tu... Si tu es sous Jésus-Christ, si tu te soumets à Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ va te fuir, va s'écarter de toi. In verse 27 of Mark 10, Jesus said, with men it is impossible to follow him. Are you getting it? Menschen, you see it? Es ist unmöglich, ihm zu folgen. Do you see it there, Jennifer? Look at it. Can you read it? Verse 27 of Mark 10. And Jesus, Mark 10:27, upon them said, "With men it is impossible, but with God, For with God, all things are possible. Mm. Amen. To follow Christ with man, with logic, it is impossible. Christus zu folgen mit menschlicher Logik ist unmöglich. Suivre Jésus-Christ avec l'intellect charnel est impossible. Amen. Amen. 1 plus 1 is never 2. Once you come to Christ's kingdom. 1 plus 1 ist niemals 2, wenn es um Christus geht. 1 plus 1 n'est jamais 2 quand il s'agit du royaume des cieux. In the natural world, 1 plus 1 is 2. You can just everybody know that. But in Christ's world, it can be 1 million. Aber in der Welt von it's just like that. Kann es 1 Million bedeuten. 1 plus 1 est 2 dans le monde charnel. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, de l'Esprit, 1 plus 1 peut être 1 million. Praise the Lord. Alléluia. From verse 17 verset of Martin. And when he was gone forth into the way, there came one running. Amen. 27. From verse 17 of Markus 10, 17. Somebody ran to him. He was running. He made effort. Amen. He was running. Maybe he was sweating and breathing. I'll be pursuing you. You understand me? You can come from a far place. You know, the Queen of Sheba traveled all the way. The journey was so long. Looking for Solomon. For days. For days. And Jesus is greater than Solomon is here. Amen. Mm. Praise the Lord. Halleluja. Der reiche Jünger hat sich vielleicht Mühe gemacht. Ist von weit her angereist, um Jesus zu treffen und ihm zu zeigen, was er alles schon kann, was er alles schon getan hat. Genauso wie die Königin des Südens auch von weit her angereist ist, um König Salomo zu sehen. Aber dennoch hat Jesus gesagt, dass ein Größerer als Salomo ist hier, nämlich er selbst. Amen. Amen. L'homme riche est peut-être venu de très loin. Et tout comme la reine de Saba était venue pour de très loin, son trajet a pris des jours, des semaines, même jusqu'à arriver vers le roi Salomon. Mais Jésus-Christ lui-même a dit que lui, une personne plus grande que le roi Salomon est là. Donc on doit pas croire qu'on est trop qu'on est quelque chose de spécial pour pas prendre ce trajet sur nous. Praise the Lord. Alléluia. You know this man ran. Dieser Mann ist gerannt. Hat schon Jesus. Ist hinter Jesus hergerannt. Cet homme est a couru afin d'arriver vers Jésus. And when he was finally there, he knelt down. Und als er bei Jesus angekommen ist, hat er sich hingekniet. Et quand il est arrivé devant Jésus-Christ, il s'est mis à genoux. Amen. You know, before they preach, they just kneel down. First of all, just pray. Bevor sie beten, knien sie sich hin. Um Amen. Once they come in touch for them, just straight to kneels. Oder wenn sie in eine Gemeinde gehen, knien sie sich nieder, um ihre Demo zu beweisen. Mm. Praise the Lord. Et dans le christianisme, par exemple, il s'agit toujours de se mettre à genoux directement quand ils entrent dans une église. C'est la première chose qu'ils font, c'est de mettre à genoux. He kneeled to him and asked him, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, why callest thou me good? You know, Jesus, anything that comes out is greater than Misa. Whatever is coming out from his mouth. It's bigger than, you know, all this atomic bomb. Wenn Jesus den Mund aufmacht, da kommen so starke Sachen heraus, die einfach stärker sind als jegliche physische Waffe, die es auf dieser Welt geben kann. Et on peut voir que la parole chaque parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ est plus dangereuse que chaque missile ou quoi que ce soit, ou chaque arme ou bombe de cette terre. You know, religion, we see he was running. Religion, he just ran. Würde sich he's darauf sweating. Berufen. He will see, then we see, I'm coming, Shad. Then we see he knelt down. But Jesus saw more, he was seeing something more than that. Amen. Religion würde auch das Äußere sehen und sehen, dass er hergerannt ist, sich Mühe gemacht hat und sich auf die Knie fallen ließ vor ihm. Aber Jésus sait toujours plus. Et la religion va peut-être voir que l'homme riche a couru et s'est mis à genoux devant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il voit toujours plus que les choses charnelles. You know, religion will say, we see, he called me good. Good master. Are you getting it? La religion va peut-être dire, ou alors se concentrer sur les paroles, ou comment il s'est adressé à Jésus-Christ, qu'il a appelé Jésus-Christ le bon maître. Amen. And Jesus asked, why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to receive me as your Lord and your Savior? Bist if you call me good. Bist du bereit, mich als dein am Herr? I good enough to save you? To be your Savior? Und Jesus fragt hier, bin ich gut genug, um dein Retter zu sein, Gott zu sein für dich? God. Et Jésus-Christ lui a dit qu'il n'y a rien de bon à part Dieu. Est-ce que t'es prêt à m'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, si tu m'appelles bon maître? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19, he said, thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not steal. You can see Jesus is quoting law here. Jesus zitiert hier die Gebote, die Gesetze. Jesus is not after law. Obwohl Jesus nicht hinter dem Gesetz her ist. Malgré que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi, on peut voir ici qu'il est en train de réciter la loi et qu'il est en train de se référer à la loi. You have to understand why Jesus was quoting law here. Du musst verstehen, weshalb Jesus hier das Gesetz zitiert hat. Mais tu dois comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ... He was quoting law because this man came with law. Er hat das Gesetz zitiert, weil dieser Mensch mit dem Gesetz gekommen ist. Et tu dois comprendre pour la raison pour laquelle Jésus-Christ a récité les commandements. Il a récité les commandements parce que cet homme est venu avec les commandements, cet homme est venu avec la loi. Amen. Because this man, you know, this man just believed that he is the savior. Dieser Mann hat. What can I do to say to be saved? Hat geglaubt, dass er selbst sein eigener Retter ist. Parce que cet homme a cru que lui-même il peut se que qu'il est son propre sauveur. Donc il voulait savoir ce qu'il doit faire afin de se sauver. Amen. Amen. And Jesus referred him to the Lord. You know, because no one can fulfill the law. Und Jesus hat ihn auf you das cannot. Gesetz you verwiesen. Break one, you, everything is gone. Weil niemand das Gesetz erfüllen kann. Wenn du in einem schuldig bist, bist du in allem schuldig. That is the book of James. Das lesen wir in Jakobus. Et Jésus-Christ l'a mené vers la loi parce que il sait que personne, aucun être humain peut accomplir la loi à 100%. Parce que si tu violes une loi, tu les violes tous. Il dit, do not kill, do not steal, do not be a false witness, defraud not, honor your father and your mother. Verse 20. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Praise the Lord. Hallelujah. You can deceive yourself, but not Christ. Wir können uns selbst etwas vormachen, aber nicht Jesus Christus. Amen. Donc tu peux te you know, people te confondre toi-même et pas Jésus Christ. People will say, oh, I'm not like the other. You know, they compare themselves. I don't lie, I don't steal, I don't do. It's not what you don't do, it's what you are to do. Amen. You are to believe in. Leute vergleichen sich mit anderen und sagen, ich bin aber nicht so wie der oder ich mache nicht das, was die macht. Aber du sollst, darum geht es nicht. Es geht darum, das eine, was du eben tun sollst, nämlich auf Christus zu vertrauen, an ihn zu glauben und das, was er getan hat. Moi, les gens vont dire que je ne mens pas, je ne vole pas, ou alors vont se comparer à d'autres personnes. Mais il ne s'agit pas de ce que tu ne fais pas, mais ce que tu fais. Et si tu, donc, ce que, si tu crois vraiment en Jésus-Christ et si tu t'es, si t'as soumis ta vie à Jésus-Christ, c'est ça qui est important et c'est la seule chose qui compte. Verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, if we are telling you the truth, we love you. Wenn wir dir die Wahrheit sagen, dann lieben wir dich. Deswegen offenbaren wir dir die Wahrheit. C'est la raison pour laquelle on donne la vérité aux gens. What did thou lackest? go their way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Mm-hmm. Ah, praise the Lord. Amen. You lack one thing. Eine Sache fehlt dir. And that one thing is me. Diese eine Sache bin ich. Une chose te manque, et cette chose qui te manque, c'est moi. Amen. Well, get rid of whatever you have been calling your God. Wer diese eine Sache lässt, get rid of them. Die du deinen Gott genannt hast. Jesus, you know, he always going to people's heart. Jesus geht immer this man, money was his God. Jesus geht immer mitten ins Herz. Und das hat er auch hier getan, weil dieser Mensch hatte sein Geld als seinen Gott in seinem Herzen. Jésus-Christ voit toujours nos cœurs et voit toujours nos désirs en nous. Et cet homme-là, son Dieu, enfin ceux qui la chose à laquelle il tenait vraiment, c'était son argent. Et il savait que si cette personne n'est pas capable de laisser tout derrière lui, cette personne ne sera pas capable de suivre Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a dit à cette personne de tout laisser derrière lui, de tout donner aux pauvres et de prendre sa croix et de le suivre. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 22, very interesting. Verset 22. Oh my God. You know, some will come here, they will leave so sad. Einige kommen hier hin disappointed. Und gehen traurig davon. Amen. Weil sie enttäuscht werden. They were expecting religion, they found the kingdom of heaven. Amen. Weil sie Religion erwartet haben, aber das Königreich Gottes angetroffen haben. Donc c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de gens qui sont venus ici ont quitté l'église et étaient déçus parce qu'ils ont ils étaient pas prêts à recevoir le royaume des cieux, mais plutôt à recevoir la religion. No, this man is just like some of us today. Und dieser reiche Jüngling ist so wie einige von uns heute. Et l'homme riche dans la Bible est comme certains d'entre nous aujourd'hui. Er war traurig. Weil er viele Güter hatte. Mais affiché de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. What will prevent you from following Christ? Was wird uns davon abhalten, Christus zu folgen? Qu'est-ce qui va t'empêcher de suivre Jésus-Christ? What is stopping you from receiving Christ as your Lord and your Savior? Was hält uns davon ab, Christus als unseren Herrn? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Amen. Amen. What is making you to be like this very man? Was sorgt dafür, dass du dieser reiche Jüngling bist? Quelle est la raison pour laquelle tu te comportes comme l'homme riche? Der traurig davon gelaufen ist. Qui est parti, qui a quitté l'endroit triste. Verset 23. And Jesus looked around above and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? It's not talking about money. It's talking about what you depend on. Es geht nicht um Geld, sondern es geht um das, worauf du dich verlässt. Ici, la Bible ne parle pas de l'argent forcément, mais il s'agit de la chose qui t'empêche de suivre Jésus-Christ. Those things might also be money. But there are a lot of other things that are pulling people back from being saved. From being able to continue with Jesus and end with Christ Jesus. Und bei einigen ist es vielleicht sogar Geld, aber bei anderen ist es etwas anderes, was dafür sorgt, dass sie Jesus Christus an unterster Stelle haben und diese eine Sache an oberster Stelle. Pour certains d'entre nous, ou certains dans ce monde, ça peut être l'argent qui les empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour d'autres personnes, ça peut être l'amour envers la famille ou alors envers ou alors le vœu d'avoir un enfant ou alors d'une femme, un homme, quoi que ce soit. Mais tout ce qu'on valorise trop en chair peut nous emporter ou nous écarter de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 24. The disciples, they heard what Jesus said. I told them what. Die Jünger haben gehört, was Jesus gesagt hat. And they were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mm. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who there can be saved? We need the Holy Ghost to be saved. Wir brauchen den Heiligen Geist, um errettet zu sein. On a besoin du Saint-Esprit pour être sauvé. The Holy Ghost needs your cooperation. Aber der Heilige Geist braucht unsere Kooperation. Wir müssen uns hingeben. Ja sagen zu Jesus Christus. Dann kann der Heilige Geist auch wirken. Mais le Saint-Esprit a besoin de notre coopération. Tu dois d'abord dire oui au Saint-Esprit afin qu'il peut t'aider à agir. And Jesus, looking upon them, said, with men it 27. Is impossible, but with God, for with God all things are possible. Amen. Verse 28. Then Peter began to say unto him, lo, we left all. We left all. Wir haben alles verlassen. The business is gone. Das Geschäft ist weg. Nothing else. On a tout quitté. We are zero. On est rien. Without you. Sans toi. Mama is gone. We not see you as my mother, as my father. Mm-hmm. It's no longer the natural parents that we belong to, but you. Mm-hmm. We left everything. Eltern, Familie, Job, we alles haben wir verlassen. Unsere Bildung, alles haben wir zurückgelassen und ist mit dir eingetauscht. Es ist jetzt noch dein Name. Mm-hmm. Pour nous, il s'agit seulement de ton nom. On a tout laissé derrière nous, notre famille charnelle, nos éducations, nos travails ou quoi que ce soit. Il s'agit plus que de toi, Seigneur Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said, you never leave anything and lose. Jesus sagt, ihr werdet niemals etwas verlassen und verlieren. Continue. Amen. Just read it on your. Amen. Whatever you leave for my sake. Never alles, was wir verlassen, um seinetwillen, ist nicht verloren. Et Jésus-Christ leur a dit que tout ce que on quitte pour la volonté de Jésus-Christ n'est jamais perdu. What will you allow to keep you back? Was wird uns zurückhalten, Söhne Gottes zu sein? Continue to be a son of God. Söhne Gottes zu bleiben. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de devenir un enfant de Dieu, d'être un enfant de Dieu? Peter left all. Petrus hat alles he said, verlassen. We left all. It was not only him alone. Gesagt, wir haben alles verlassen. We left all. Er und andere. Paul left all. Paulus hat auch alles verlassen. Amen. In Philippia. Amen. Amen. Pierre a dit qu'il a. Non, Paul a dit qu'il a tout quitté. Donc Pierre a dit qu'il a tout quitté. Pierre aussi. Non. Pierre a tout quitté. Paul aussi a tout quitté. Mais es-tu capable à tout quitter aussi? And that's why I say, I always say the kingdom of heaven is risky. Coming to Christ is risky. Sage ich mal, das Königreich Gottes ist risky. If you love all, you can never leave all. Wenn wir alles lieben, werden wir niemals alles geben können, verlassen können. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je dis que venir dans, vers le royaume des cieux, venir vers Jésus-Christ est très risquant. Parce que si tu aimes le monde, si tu aimes tout dans ce monde, comment tu peux le soumettre, comment tu peux le quitter? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Sell everything and buy that treasure. Verkaufe alles und kaufe have that treasure. Make sure you have that treasure. Stell sicher, dass du diesen Schatz the hast. Salvation. Deine Errettung. It's more important than everything. Amen. Viel wichtiger ist als alles andere. Ton salut est plus important que toute autre chose. Donc, tu dois tout vendre afin d'acheter ce trésor et de le cacher et prendre soin de ce trésor qui est ton salut. Your relationship with Christ Jesus, your relationship with one another. Deine Beziehung mit Jesus Christus. Is very very expensive. Eure Beziehung Jesus paid with his blood. Zueinander ist sehr teuer. Jesus hat mit seinem eigenen Blut dafür bezahlt. Donc votre relation avec Jésus-Christ votre relation entre l'un et l'autre est a été très cher parce que Jésus-Christ a payé pour cette relation avec son propre sang. Will you sell all to follow Christ? Wenn wir alles verkaufen, um Christus zu folgen. Est-ce que tu es capable à tout vendre pour suivre Jésus-Christ? Amen. Amen. Jesus help us to know how the kingdom of heaven is so expensive. Jesus hilft uns zu erkennen, wie teuer das Königreich Gottes ist. Jésus-Christ nous aide à comprendre à quel que le prix pour le royaume des cieux est très, très élevé. You know where it is? Matthew 13. Matthew 13. It's so expensive. Matthew 13. Praise the Lord. Alléluia. Coming to Christ is so expensive. Zu Christus zu kommen ist teuer. Venir vers Jésus, Jésus-Christ est très, très cher. Look at it. You know, we have been here several times. Luke 13 from verse 44. 13, 44. Yeah, sorry, Matthew 13, sorry. From verse 44. Matthieu 13, verset 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, which when a man have found, he hid it. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about your relationship with him and relationship with one another. Es geht um deine Beziehung mit ihm, your salvation. Einander, eure Rettung. Are you getting it? Ici, il parle de ton salut, de la relation que tu as envers l'Éternel et que la relation vous avez entre l'un et l'autre. Hide it from those that we want to, you know, that are vessel for Satan that want to take it away from you. Verstecke sie by von the denen. Mother, by the father, by the friends, by the... You get it? Verstecke. Proposal, whatever, it's outside there. Verstecke sie vor denen, die das wegnehmen wollen, weil sie halt einfach Gefäße und Marionetten des Satans sind und dazu bestimmt sind, die Dinge des Herrn zu durchqueren oder sich dagegen zu stellen. Egal, wer diese Person ist in deinem Leben. Donc tu dois cacher ton trésor devant, donc ton trésor qui est ton salut devant les gens qui veulent t'écarter de Jésus-Christ, qui veulent te coûter ton salut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And for joy, thereof, goeth and selleth all that he hath. Just like Jesus told that man. Mm. Are you getting it? Yeah. He told that man, go and sell everything. Genauso wie Jesus and zum give Beispiel. For the poor, then I come and follow you. Gesagt hat, and Jesus is explaining it here again. Mm. He goeth and selleth all that he hath and buy that field. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Genauso wie Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt hat, er soll alles verkaufen. Und so sagt es auch hier, dass diese Person alles verkauft, mit Freuden alles verkauft, um diesen einen Acker zu ergattern. Mm. Tout comme Jésus-Christ avait dit à l'homme riche de tout laisser derrière lui, de tout vendre, ou alors plutôt de donner aux pauvres ici, on a la même... Il compare ça de la même manière, parce que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Will you sell everything? Let everything go for your relationship with Christ Jesus. Werden wir alles verkaufen, alles loslassen? Will you let everything go? Unsere Beziehung mit Jesus Christus, werden wir alles loslassen? Est-ce que tu es capable à tout... à renoncer à tout quitter pour ta relation avec Jésus-Christ, on la prend des décisions. No wonder only 8 people were saved in the old world. Kein Wunder, dass in der alten Welt, also bei Noah, nur 8 Leute errettet wurden. Only 8 people. C'est pour ça qu'on c'est la raison pour laquelle on peut voir que seulement 8 personnes ont été sauvées. Because everything was dans l'ancienne alliance, enfin dans le temps de Noé. Nur 8 Leute haben an diese Verheißung von Noah geglaubt und wurden errettet, weil alles gehen musste. Sie mussten alles hinter sich lassen. Il y avait seulement 8 personnes qui étaient capables à renoncer à tout. You don't leave them to come to Christ. You come to Christ, then all it's automatic, all must go. Und you don't wait until they leave, then you come to Christ. It's not done that way. You embrace Christ. Your relationship with Christ. Your focus is so much Christ. You know all those things, they will leave. It's just because darkness and light can never walk together. Mm-hmm. It's only the light that will remain. Amen. Und du verlässt diese Dinge nicht erst, bevor du zu Jesus Christus kommst, sondern du kommst erstmal zu Jesus Christus, so wie du bist, und danach werden diese Dinge von selbst gehen, weil wenn das Licht kommt, ist die weicht die Dunkelheit. Mm. Et tu peux pas, tu as pas besoin de quitter d'abord toutes ces choses afin de venir vers Jésus Christ, mais si tu viens vers Jésus-Christ, toutes ces choses vont te quitter petit à petit, parce que tu peux pas, il peut pas avoir la lumière et l'obscurité en même temps. But you have to be prepared to leave all. Du musst vorbereitet sein, alles zu verlassen, sonst wirst du enttäuscht sein auf dem Weg. Mais ton cœur doit être prêt. Parce que sinon, sinon tu seras déçu. Amen. Amen. Jackie, can you help us to read verse 44? Verse 45. Verset 45. Amen. Amen. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Just like Jesus said to that man. Genauso wie Jesus zu dem Mann gesagt hat. Are you getting it? C'est la même chose que Jésus-Christ a dit à l'homme riche. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Peter left all. Petrus hat alles Paul verlassen. Left all. Paulus hat alles verlassen. Pierre et Paul, ils ont Moses tout laissé. Left all. Mose hat alles verlassen. Moïse aussi, il a tout quitté. Moïse aussi l'a tout quitté. He preferred to be part of God's family, Christ's family, than to be called Pharaoh's son. Mm. Ihm war es lieber, Hebrew 11, is that? Alles Teil der Kinder Gottes zu sein, als immer noch ein Sohn des der Tochter des Pharaos zu heißen. Mm. Il a préféré être avec les enfants d'Israël au lieu de rester dans le palais et être être vu comme le fils du pharaon. Amen. Amen. Abraham left all. Abraham hat alles verlassen. Abraham a tout quitté. Remember Genesis 12. Leave your father's town. Go to a no a place that you don't even know anything about. But he left not knowing. You know we have relationship with him. We don't even know where we are going. He said we are like the wind. Amen. If somebody say, what are you going to become in future? I'm just Christ. Amen. That's all. Praise the Lord. Halleluja. In 1. Mose 12 hat Gott zu Abraham gesagt, dass er sein Vaterland zurücklassen soll und in ein Land gehen wird, was er ihm zeigen wird. Und genau so folgen wir ihm auch sozusagen blind dorthin, wo er uns haben will. Und wir sind sozusagen wie der Wind. Und wenn uns Leute fragen, was wirst du später? Dann wirst du sagen, ich weiß, also das, was ich bin, ist Jesus Christus. Und das werde ich auch morgen und für immer sein. Et Abraham, par exemple, il a aussi quitté la terre de ses pères et il a fait confiance à Dieu qui va le guider vers l'endroit qu'il a promis, vers la terre qu'il a promis. Et c'est la même chose avec nous, on doit être vraiment capable à tout quitter, à tout laisser derrière nous afin d'être dans la volonté de Jésus-Christ, afin de suivre les principes du royaume des cieux. On doit être comme le vent, parce que tout ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ, que ce soit en Europe ou en Afrique, ça revient au même moment qu'on a Jésus-Christ avec nous. Going to church does not make you a son of God. Zur Kirche zu gehen macht dich nicht zu einem Sohn Gottes. Juste parce que tu vas à l'église, ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Until you receive him into your heart, you are not a son of God. Erst wenn du ihn in dein Herz empfängst, then you start offiziell, renewing your mind. Bist du ein Sohn Gottes. Und wenn du dich natürlich vom Heiligen Geist leiten lässt durch die Gedankenerneuerung. Tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur et que tu ne renouvelles pas tes penser à travers le Saint-Esprit, tu ne veux pas être un enfant de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until you receive him into your heart as your Lord and your personal Savior, you are not a son. You are not a son of God. You don't belong to him. In unser Herz. And please be fast with it. Erst wenn wir ihn unser Herz empfangen. Erst wenn wir ihn in unser Herz empfangen, sind wir Söhne Gottes. Söhne Gottes. Und nicht vorher. Und es ist wichtig, dass wir das so schnell wie möglich auch tun, weil die Tage sind böse und der Satan will so viele Leute mit sich nehmen. Ne? Und Leute sterben wie Fliegen heutzutage, ob durch Krieg, durch Unfälle, durch andere Sachen. Satan is looking for who to steal, kill and destroy. Und der Satan sucht nach Leuten, die stehen und zerstören kann. Der Tod lauert überall. Faut savoir que le diable sait que il a plus beaucoup de temps, c'est la raison pour laquelle il veut emmener beaucoup de gens avec lui en enfer. Et c'est la raison pour laquelle on doit être conscient de notre relation avec Jésus-Christ et vraiment protéger cette relation, protéger notre salut afin d'avoir la vie éternelle à ses côtés. Praise the Lord. Hallelujah. So we close with that. Amen. So please, if you have any question, any...